d'originalité. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Cindy Gilbert nous montrera comment activer notre santé dans sa chronique sur la santé. Et on parle de télé dans Crackpot TV, Frédéric Bernard, des chroniques descriptives aujourd'hui à Assemblage Requis. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 11 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Léo. Allô. Léo. Un mercredi matin, aujourd'hui, qui débute un marathon, mercredi marathon Mathieu Plante, comme on dit toujours. Ça. Ah ouais, ouais. Sauf que je pense que ça va être plus long aujourd'hui. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es foulé la cheville, fait que ça va te prendre plus de temps à te rendre au bout? Ah, mais ça, ça aurait pu arriver parce qu'en effet, c'est la journée où tu commences à regretter de venir à pied. T'sais, avant ça, ça allait bien, c'est l'hiver, c'est cool. Tu sais, t'aimes ça, la petite brise dans la face, une fois de temps en temps. Mais quand ça commence à être mouillé et glissant, c'est moins le fun. Et pourtant, moi, je me disais, mon Dieu, on voit enfin un peu d'espoir, on voit le bout. Ah, ouais, ça va être une période difficile à passer pour voir le bon bout. J'espère que ça va, comme... Tu sais, ils vont nous clencher ça. Oui, ouais, ils comme... font, oui. Hey, l'hiver, c'est fini, gars, moi, du jour au lendemain. Moi, en fin de semaine, je me demandais, je change-tu mes pneus la semaine prochaine, j'arrive en gougoune, là. Il y a qui fout, tu changes pas d'idée, ça. Je suis prête, C'est ça. Donc oui, aujourd'hui, c'est ça, je vais probablement animer jusqu'à 21h ce soir, c'est Les Audacieuses. En fin de journée, je vais remplacer Karina, donc une longue journée. Ça va faire 9h en direct. T'as pas assez de sein. J'ai pas assez de sein pour remplacer Karina. Ah, ok, excuse-moi. je me demandais où tu en as avec ça. Pourtant, j'ai quand même assez bien développé depuis ma puberté. Moi, Karina a le plus d'attributs. C'est bon. Donc, aujourd'hui, à l'émission, Steph, tu veux savoir qui s'en vient? Ben oui, pourquoi pas? À 8h, Cindy Gilbert va être là pour la chronique Activer votre santé. Mm-hmm. On va parler de choses pour se mettre en forme, peut-être perdre ma petite poitrine de puberté. Le pubienne, mot non, pub commence, c'est ça. C'est comme le bloc pub, hein, la chronique, le bloc pub, là, c'est ce que le ça bloc pubien? C'est le bloc pubien. Ok, j'avais pas compris ça de même. Si on faisait une chronique sexe, comme avant, dans le fond, si on ramenait une chronique sexe, on pourrait appeler ça le bloc pubien, ce serait très drôle. Ce serait parfait. Personne ne comprendrait la référence, par exemple. Hey, je veux te chercher les extraits moi-même. Ah, c'est malade! Ensuite, à 8h30, Frédéric Bernard pour Crackpot TV. Il nous fait toujours découvrir une série et des fois, il nous amène des concepts bizarres ou autres que ça. Donc, à 8h30, à 9h, et quart et 20, on va acheter des gadgets sur Internet si on a encore du temps. On va d'ailleurs commencer avec cette chronique-là. On va faire un petit sandwich si le temps nous le permet. Mm-hmm. Mais avant ça, débutons avec une pièce de trio. C'est nouveau sur le palmarès francophone. Leur album s'appelle Né quelque part, c'est leur plus récent. Et voici la pièce titre Né quelque part. Ah, son la jouer. Ok, je pensais que tu cherchais c'était où? Non, non, c'est là. Né là, sous un arbre. Un grand arbre. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part. Pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. No rincones guai coasa. No rincones guai coasa. Y'a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids quand ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. No rincones guai coasa. No rincones guai coasa. Est-ce que les gens naissent égaux? À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit Choisis pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. No rincones guay y coasa. No rincones guay y coasa. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas? C'est égaux en droit à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil. C'était Né quelque part par Trio à Assemblage requis. Alors, on est mercredi. Mercredi, c'est toujours la journée où on a envie de le plus dépenser. Ce qui est ironique parce que c'est la journée juste avant la paye pour bien les gens, t'sais. Justement, on est impatient. Ben voilà, voici ça existe, mais ça ne devrait pas. Là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique dans laquelle on achète des gadgets trouvés sur Internet. Un petit peu n'importe comment, sans aucun souci financier. Voilà. Voilà. Commençons avec... c'est un verre à café qu'on peut planter et qui va faire développer les affaires. Bref, boire du café, ça cause des déchets, surtout dans des verres pour emporter, là, quand on prend pas une tasse, mm-hmm. parce que quand on trouve que le café, il refroidit vite dans une tasse à chaque date. Une demi-heure, puis je peux pas finir le verre dans la tasse. Mets-toi un thermos! Ben, je sais pas, je le sais pas. Donc, une meilleure façon de boire votre café sans déranger l'environnement, c'est le premier verre à café plantable du monde qui veut aider. C'est une campagne Kickstarter qui va produire un verre à utilisation unique, biodégradable, avec des graines à l'intérieur qui vont pousser lorsque planté. On sait pas évidemment qui va prendre le temps de planter son verre à la place de juste le jeter, mais même si on le jette sur le bord de la route... Les chances sont bonnes qu'à un moment donné, quelque chose va se produire avec ce verre-là. Ouais. C'est l'idée derrière la chose. Donc, le projet a déjà battu son but de 10 000 $ américains. Ça, c'est évidemment 12 700 $ canadiens. Hein. Donc, ça va certainement avoir du succès. On peut regarder cette idée poussée sur le lien sur assemblagerequis.com. Est-ce que tu te souviens, à l'époque, on avait parlé, c'était un crayon qu'on pouvait planter. Ouais. C'était des fines herbes à l'intérieur. Ça, j'avais vraiment regardé pour m'en acheter, puis il n'y en avait plus. C'était comme backorder. Ah! Ça avait trop pogné. Des fois, il y a des idées comme ça qu'on a envie de se procurer, nous aussi. Vraiment. On n'est pas immunisés à ça, nous autres, des passes d'attente. Seigneur, non. Vraiment pas. On reste dans le café un peu avec une... Pardon, une... pas une blague qu'on pourrait faire. Peut-être qu'on pourrait remplacer la tasse à café de quelqu'un qui lui ressemblerait. Pas la personne ressemble à une tasse de café, mais si la tasse de café serait remplacée par une autre qui lui ressemble. Ouais. On se comprend-tu, ouais. Mais la remplacer par un haut-parleur et peut-être causer des chocs nerveux à quelqu'un en lui faisant une grosse peur. C'est un haut-parleur en forme de tasse à café. C'est simple. Ah. Haut-parleur Bluetooth, bien sûr. Coffee Cup Bluetooth Speaker qui fonctionne avec la plupart des téléphones intelligents et des tablettes, bien sûr. Design simple qui fonctionne bien avec votre style de vie, qui s'agence bien avec votre style de vie, nous dit le marketing derrière tout ça. Évidemment, tu places ça à côté de ton livre ou de ton ordinateur et t'as un haut-parleur en dessous. Donc, t'as un bouton pour l'allumer, t'as un bouton pour connecter le Bluetooth, un bouton pour passer à la prochaine ou à la précédente chanson et un bouton play-pause. Tout ça en dessous de la tasse. Et sur le côté, tu peux faire passer un fil 3 pouces... C'est-tu 3 pouces? Non. 3,5 mm. J'ai aucune idée. Ah, là, peu importe. Et un truc pour charger par un micro USB. On peut brancher dans l'ordinateur pour recharger la batterie de ce haut-parleur. C'est parfait pour la musique, parfait pour les appels entrants. Évidemment, tu peux pas parler dans la tasse, mais tu peux parler en téléphone quand même. Moi, ce que je trouve cool, c'est les waves sur le café. Ah, c'est cute, hein? Sur le dessus. On dirait qu'il y a eu une forme dans un latte, genre, tu sais. Non, c'est les ondes de la musique. Ouais, c'est vraiment bien fait. Super bon. La tasse est disponible en noir ou en blanc. Original? Ben ouais, quand même. Et c'est chez Brando qu'on vend ça pour 52$ américains ou 66$ canadiens. Dispendieux. C'est dispendieux pour un haut-parleur. Mais quand même, c'est bizarre et ça va attirer le regard. Mm. Les gens vont voir que ton café est toujours plein, t'en bois jamais. Coudon, c'est quoi, tu commandes un café puis tu le gardes pour toi? Moi, ça serait mon genre d'essayer d'en boire. Oui, je me tromperais probablement de tasse. Tu sais, main gauche, main droite, je suis assez ambidex du café. Du café, ouais. C'est de belles autres affaires, mais en tout cas. Ensuite, c'est un robinet. Est-ce qu'on peut dire... Un robinet, c'est... est-ce que c'est le truc d'où l'eau sort ou est-ce que c'est les... C'est un robinet, là. Le robinet, c'est l'ensemble. Peu importe, ouais, ouais. Peu importe. Non, c'est un robinet qui va économiser de l'eau. En faisant tomber l'eau un peu comme des, tu sais, des chips crinkle cut là, en quadrillé, genre. J'ai vu passer ça. C'est bizarre, hein? Mais c'est vraiment, vraiment malade. Une nouvelle technologie qui vient d'être inventée. C'est assez fou, là, des quadrillés d'eau. Des quadrillés d'eau, on va se mais dire. Mais c'est beau, ça fait un peu comme si c'était un tube de filet. C'est vrai? Un filet en attraper rond, des poissons. Ouais, qui tombe de ton robinet. C'est super beau. C'est le Swirl Faucet par Simin Q. Avec deux turbines pour verser l'eau, donc en coupe crinkle chips, genre en deux couches indépendantes. Mais c'est pas juste beau, si je me trompe pas. J'avais lu que ça économisait de l'eau aussi. Sais-tu jusqu'à combien ça peut économiser d'eau? Non! Jusqu'à 15%, Stéphanie! Mais quand même! Incroyable! Et l'eau donc que vous allez apprécier à regarder juste pendant des heures et des heures, ça va venir compenser. Ça, ouais, ça économise plus. C'est ça, bref. 15% d'eau à économiser. Il y a un petit schéma qui vous montre l'intérieur de ça. Toujours très tendance 2015, écrit en bleu pâle sur fond blanc, fait que j'arrive pas à lire. Je sais pas si toi tu le vois, mais. Oui, je vois, mais il n'y a pas grand chose d'intéressant. Là, tu sais, turbine, ratchet roue 1, ratchet roue 2. Hey, là, commence avec des termes de mécanique. Spring, ratchet roue 3. Puis turbine supérieure, turbine inférieure. Tu sais, ça nous aidera pas, là. C'est ça. C'est, ouais. Je vais faire des jokes de turbine, mais... Non. Non, vraiment pas, fais pas ça. Ensuite, c'est Samsung qui lui fabrique une petite maison pour chien qui vaut 31 000$. Rien de moins. Donc, Samsung Electronics qui vient de révéler la Dream Dog House, une valeur de 20 000 livres ou encore 38 215 canadiens. Beaucoup d'argent, évidemment. Ça va être montré à Crafts, le plus grand dog show, spectacle de foire de chiens du monde. Et c'est définitivement pour les gens riches qui ont rien d'autre à faire que de dépenser sur leurs animaux de compagnie. C'est un petit salon, si on veut. Une place à l'intérieur pour relaxer, pour passer son temps. Et l'autre place pour manger et pour se divertir. Dans le d'accord, petit appartement de d'accord. Chien. Là. Évidemment, tous les chiens vont passer d'une pièce à l'autre pour faire chacune des activités. Ils vont pas juste se lécher le trou de pète dans deux places de la maison. Ça arrive pas, ça. Il y a aussi un petit gazon extérieur. Du faux gazon, là, AstroTurf, là, un peu comme les terrains de sport. Il y a un petit tapis roulant pour faire d'exercice, un spa, genre. Il y a une petite clochette pour, j'imagine, attirer son maître. T'as un papier peint avec des petits nonos et des traces de pattes de chien. T'as un portrait de sa famille encadré. T'as une lumière, tu sais, qui est un skylight, là, une lumière, un trou lumineux dans le plafond. Et t'as un distributeur à collation. Évidemment, donc le chien va s'amuser, même s'il n'est pas dans sa maison en tant que tel. Peut-être quand on va le faire garder chez quelqu'un, mettons, tu lui amènes son loft. Parce que ça doit être facilement déplaçable. J'imagine. Ouais. Son loft à chien, son woof. Ah, il y a une TV. C'est beaucoup, beaucoup d'argent, ça. Le prix, évidemment, n'est pas dit. Parce que c'est un prix dans une compétition pour les chaînes de réseaux sociaux de Samsung en ce moment. On peut pas acheter ça, mais quand même. Mais t'as donné un prix tantôt de la maison? Ah, ça vaut ça, mais c'est pas à acheter. Ça. Ah, ok. Ce n'est pas à acheter, malheureusement. Ensuite... Je suis certaine que ça aurait fait fureur. Ah, probablement. Paris chez les Hilton riches. Avec son petit chien. Ben oui. De toute façon, c'est quoi? Ouais. C'était, on a dit quoi? 38 000. C'est quoi ces deux Apple Watch en or, genre? Au pire. là. C'est pas grave. Il n'y en a pas de problème. Maintenant, apprenez tout sur la mécanique du mouvement perpétuel en créant votre propre chef-d'œuvre basé sur les machines de Rube Goldberg. Tu t'appelles Rube Goldberg, celui que quand une bille frappe quelque chose, ça frappe quelque chose d'autre, ça frappe quelque chose d'autre. L'effet domino. Je savais pas son nom. Ben, c'est lui, c'est Rube Goldberg. Donc, après avoir assemblé les 802 morceaux ensemble, évidemment, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. La structure va mesurer 78 pouces de haut et ça va être l'ultime place pour laisser tomber votre bille. et la regarder descendre en 802 morceaux que vous avez créés vous-même. Évidemment, vous pouvez créer votre propre machine Whoop Goldberg en général dans la vie, mais là, si vous n'avez pas le talent ou les aptitudes, les capacités pour le faire... La patience. La patience. Quoique là, il faut avoir un petit peu de patience quand même. 140$. Oui, mais là, t'as pas besoin de penser au concept. C'est ça. C'est comme... comme un casse-tête, tu suis l'image, puis tu fais les coins en premier, puis... voilà. Non, là, pas de problème. Là, t'essaies de comprendre le ciel, hein, parce que tout est bleu. Ben, c'est ça, tout est bleu. Exact. Donc, 140$ américains, ça fait 177$ canadiens. Ensuite, on revient toujours à l'alcool une fois de temps en temps. Et cette fois-ci, c'est une flasque pour boire votre alcool. Par contre, vous voulez avoir l'air d'un parent vraiment à son affaire. Donc, c'est un petit... un faux bébé. Porté de façon non ergonomique. Absolument pas ergonomique. Et un bébé qui a pas l'air super véritable, mais de loin, en fait. Je trouve pas. L'image est floute. L'image est floute un peu, j'avoue que la photo est mal prise. Mais bref, c'est un bébé avec un petit bonnet. Et dans son bonnet, il y a une petite prise, ben pas de prise, mais un embout où tu peux mettre ta bouche et boire parce que le bébé est rempli d'alcool. Je sais pas si c'est juste sa tête ou le bébé complet. Pas mal juste la tête. Tu passes une paille, hein, parce que sinon, si tu penches le bébé, c'est louche. Et t'as l'air de te donner un ouais. T'as bien raison. 35$ américains, 45$ canadiens pour les alcooliques et futurs parents. C'est de mauvais goût. C'est vraiment de mauvais goût. C'est vraiment de mauvais goût. Ouais. On reste dans l'alcool avec des coupes. Ben, en fait, c'est plus des verres parce qu'ils n'ont pas de ouais, tiges. Des verres à vin. Des verres à vin, exactement, en forme de dessus de coupe. On a déjà parlé de concepts similaires, mais celui-là, je le trouvais quand même intriguant parce que c'est des verres à vin qui se squishent. Ah? Ils se compressent pour s'assurer que si tu l'échappes, ça ne brise pas. Et ça ressemble quand même de loin à un vrai verre à vin. Donc, plus tu bois... Voilà. Voilà, rien à dire de faites plus. Faites le reste dans votre tête. C'est exact. Donc, c'est le Spruce Silicone Wine Glass. Pas besoin de stresser lorsqu'on échappe son verre à vin. C'est fait de silicone food grade, donc parfait pour l'alimentation, dans le sens qu'il n'y a aucun problème à boire quelque chose là-dedans. C'est hypoallergène, sans BPA. C'est virtuellement incassable, réutilisable, ça vaut la vaisselle. On appelle ça des red wine glasses dans l'article, mais on peut les utiliser évidemment pour n'importe quel autre breuvage. Ben oui. Chaud ou froid, ça fonctionne, aucun okay. problème. Ça, c'est quand même assez intéressant pour le chaud. Deux Spruce Silicone Wine Glasses pour 20$ américains. Chez Reuse It, ça vaut donc 25$ canadiens. Pas si pire. Ça a du sens, ça. Ça veut dire quoi, virtuellement incassable? Ça veut dire que si tu te forces vraiment énormément, tu peux le casser. Mais virtuellement, c'est comme quasiment certain, genre. Comme le Titanic. Ouais, c'est virtuellement incoulable. Sauf... si tu frappes un iceberg. C'est ça. Comme... OK. C'est plus un mean bird qu'un iceberg. T'es pas très, très gentil. Ensuite, hein? Ouais, non. Je sais, c'était un jeu de mots avec nice bird, comme très gentil bird. Oh boy. Ouais. OK, OK. Non, c'était assez mononcle comme blague. On passe à autre chose. tu vieillis, Mathieu, tu vieillis. Ah, ça va pas bien. Je me le fais dire souvent ces temps-ci. Ensuite, c'est... OK. C'est une balle. Tu commences très sérieux, là. On sent que t'as quelque chose à expliquer. Oui, c'est une balle, pas un testicule. Une balle, OK, qu'on va... pas se tromper. Ouais, non, c'est ça. Qu'on va brancher en dessous ou en haut, peu importe où est votre microphone de téléphone. D'habitude, c'est en bas, parce que ta bouche est en bas du téléphone. Alors, donc, oui, c'est vrai. Une petite balle de mousse qui va empêcher le vent de percuter votre microphone. Ah! Même si les téléphones intelligents de nos jours ont de l'annulation du bruit, c'est super intelligent tout ça, mais c'est toujours il y a toujours une difficulté avec le vent dans les conversations téléphoniques. Donc quelqu'un s'est dit que ce serait une bonne idée de créer des boules de mousse, windblocker foam balls, qui sont faites pour empêcher en fait le vent d'entrer dans le micro de votre téléphone et de déranger vos appels. C'est le principe de nos micros, finalement. C'est le principe de nos mousses de micro. Petite mousse de couleur. Et en plus, ça empêche les microbes et tout ça. Fait que sur votre téléphone, j'imagine que si c'est le téléphone de quelqu'un d'autre, tu pourrais mettre ton rhume, mettre ta mousse. Pis... Non, c'est peut-être pas une bonne idée. Je sais pas, hein. Ouais. Ça, des appels importants à faire à l'extérieur, ça te fera pas de mal de transporter ça dans ta poche. C'est tout petit, tout transporté avec des petits trous pour mettre sur votre porte-clé. Vous allez vous faire regarder bizarrement parce que t'as l'air d'avoir, je sais pas, un nid de clown attaché à ton téléphone. Une chance qu'il est pas rouge. Ben, il y en a des rouges. Mais il y en a des rouges. Donc c'est ça. Et on peut facilement le mettre et l'enlever de votre téléphone. On pourrait s'attendre à payer entre 5 et 10$ pour donc ça vaut 13$ canadiens environ. La page est sur assemblagerequis.com. C'est le windblocker.com. Pourquoi pas? Eh ben, ouais, c'est une bonne idée. Ensuite, c'est le Oaxis Ink Case i6 qui met un écran de liseuse électronique sur le derrière de votre iPhone 6. On a déjà parlé quelques fois de trucs comme ça, mais celui-là est très bien fait, je trouvais. Donc, c'est le, vous avez déjà peut-être entendu parler du Yota Phone. On en a parlé ici, Yota Phone. C'est un téléphone russe avec deux écrans, dont un est un côté à encre électronique. Beau téléphone et tout ça, mais le Yota Phone, dans le fond, ça veut dire qu'il va falloir abandonner votre iPhone 6, ce que bien les gens ne veulent pas faire. Mm-hmm. Donc, à la place, on peut s'acheter un étui par Oaxis, le Incase i6, avec son propre écran anti-reflet de 800 par 480, 4,3 pouces de diagonale, qui va communiquer avec votre téléphone cellulaire par Bluetooth. Comme ça, ça peut afficher plein d'affaires pendant qu'il n'y a pas de courant dans votre appareil, même si vous n'avez pas de batterie du tout. Donc, la météo, un arrière-plan, des scores de sport, et ça va utiliser du courant seulement lorsque c'est mis à jour. Donc quand vous allez perdre votre batterie, la dernière information affichée va rester affichée. Il y a une pile à 300 mAh à l'intérieur. Même si c'est petit, ça devrait durer plusieurs jours, c'est-à-dire plus longtemps que votre téléphone cellulaire lui-même. Moi je trouve ça génial comme idée. Ici sur la photo on voit des indices boursiers, on voit le vent, les calories dépensées, l'heure, les courriels, la durée de vie de la batterie qui reste. Une très très bonne idée. Il reste encore quelques instants pour parler de gadgets. On va y aller avec un clavier. Tu sais, les chats ont tendance à vouloir se coucher sur le clavier de ton ordinateur. Donc moi, c'est mon cas. Ben moi, elle n'a pas le droit de monter sa table. Ouais, c'est ça, mais la tienne n'est pas une vieille grincheuse de plus de 10 ans. Est-ce que c'est le cas? Non. Je sais pas. Non. Ben, c'est une grosse chialeuse, là, mais pas grincheuse. C'est ça. Donc, bref, les chats s'assoient sur des claviers des fois et on veut pas qu'ils le fassent. Et des fois, ils vont s'asseoir sur des. Ma chatte va s'asseoir sur un disque dur externe parce que c'est chaud, ça. Moi, c'est plus sur mon Ricardo. Tu sais, quand t'essayes de lire à plat ventre sur ton divan, ben, c'est là qu'elle se couche. Ah. Mm. Ah, c'est taquin. Donc, c'est un clavier chauffant. Ben, ça a pas l'air d'un vrai clavier en tant que tel, là. C'est un mais petit peu bizarre, en fait. Je pense que c'est assez pour confondre un chat. Probablement, probablement. Donc, c'est ça. C'est Miami qui a. Qui a démarré ce projet-là. C'est ça. C'est un clavier avec des. Qui s'appelle Hotkeys. Donc, c'est un clavier qui se branche dans un port USB. Votre chat peut s'asseoir dessus pendant que vous tapez sur votre vrai clavier. C'est pas mal tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Les touches sont chauffées. Et puis, plus tu tapes sur le clavier, plus la chaleur monte. Il y a une petite animation pour montrer comment ça fonctionne. J'imagine qu'il y a un maximum, là, pour pas toaster ton chat. C'est pour faire un chat grillé. Après le hot dog, le hot cat. Donc, Miamix n'amène pas ça en magasin pour l'instant. Ils pourraient le faire un jour. Ils en ont créé 100 et ils envoient à des propriétaires de chats sélectionnés. Des clients, j'imagine, de Miamix. Oh! C'est cute! Hey, sur les photos, là, le petit chat en bas à gauche, on dirait vraiment Makira quand elle était petite. Oh. Le pinch en moins. Oh. Ça me rappelle des souvenirs. Ah. C'est super. Et on va terminer avec le podo. Pour les gens qui aiment prendre des selfies, c'est toujours... Il y a toujours au moins un gadget par semaine sur les selfies de nos jours parce que Colin, c'est ce qui est à la mode. Mais on essaie d'encaisser là, sur la popularité des gens qui prennent des photos d'eux-mêmes. Le Podo, c'est une caméra sans fil avec une micro-suction qui peut coller à n'importe quelle surface, que ce soit ciment, métal, peu importe le genre de matériau, même d'habitude, il n'y aurait pas des sus qui pourraient coller après ça. Et simplement, on a juste besoin de laver une fois de temps en temps pour qu'il puisse continuer de coller. Podo va se connecter avec votre téléphone par Bluetooth. Il va vous le permettre de cadrer votre photo, d'activer ou de désactiver le flash, mettre un minuteur, éventuellement prendre votre photo. Il y a un sensor 8 mégapixels qui peut prendre des vidéos en 720p à 30 images secondes. Un accéléromètre qui s'assure que votre photo soit toujours orientée du bon sens. Le devant va pivoter pour pouvoir ajuster l'angle et le faire pointer où tu veux. C'est super petit, 2 par 2 par 1 pouce, et ça peut facilement transporter dans une poche. Donc c'est ça, tu n'auras pas l'effet selfie, donc on verra pas le fait que c'est un selfie. Et vous n'aurez pas à demander à un passant de prendre votre photo, 89$ ou 113$ canadiens pour commander ça sur Kickstarter. Évidemment, commander veut dire s'ils se rendent jusqu'à leur but. On peut aller voir s'ils sont rendus sur kickstarter.com. Podo Labs est le nom de la compagnie. 208 000 sur 50 000, donc oui, c'est ouais. Même un Kickstarter staff pick. Donc, très populaire en ce moment. Voilà. Mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est un peu l'ancêtre du retardateur quand tu mettais ton appareil photo sur une table. C'était jamais la bonne hauteur. Donc ça, c'est... Ça règle le problème un peu de la hauteur parce que tu peux le mettre directement sur le mur. Et ça colle sur du ciment ou n'importe quelle surface. Tu peux coller ça sur un poteau, peu importe. Je sais pas si ça colle sur du bois, mais... Il l'a dans la main. Je sais pas si ça colle dans la main. Je sais pas. Bonne question. Voilà pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, les liens sur assemblagerequis.com. On prend une pause, au retour, c'est Activer votre santé avec Cindy Gilbert. On est ensemble jusqu'à 9h30 à Assemblage Requis. Changement. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Mercredi 11 mars, c'est toujours à Assemblage Requis et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Et aux deux semaines, c'est le moment où on a envie de se mettre en forme. L'autre semaine, c'est comme non. T'as envie une semaine sur deux? Ouais. Ou une journée par deux semaines? Ben, tu sais, je suis pas un gars... Une demi-heure par deux semaines? Très demandant, ouais, c'est ça. C'est en masse pour moi. Voici Activez votre santé. Salut, c'est Gilbert. Hey, salut. Ça va? Ça va, vous deux? Tellement. Ouais. Fait que là, t'étais en forme cette semaine. Ah, juste une fois de temps en temps. Ça dépend de ta chronique. En fait, c'est aux deux chroniques. Et comme okay. T'es une fois aux deux semaines, c'est une fois par mois. Quatre fois par session, une fois par année, c'est assez. Bon, voilà. En gros, je viens de dire qu'une fois par année, c'est assez avec moi? Une fois par année avec toi, c'est parfait. Ah, bon, voilà. Tu vois comment il m'en faut pas beaucoup. Stéphanie est capable d'en prendre plus, là. Elle m'en plus souvent, elle m'en dure plus souvent. Ouais, Stéphanie est faite forte. T'es pas mal faite plus forte que moi, ça. Tout le monde le sait, ça. Tout le monde le dit, en fait. Tout le monde. Je suis mou un peu. Bref, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Pour vrai, je me sens mou tout le temps. On parle de tout sauf de choses molles. Alors, ce matin, on va parler du diabète. C'est vrai. Alors, c'est fait que là, tu parlais d'activité physique et tout ça. Là, on parle pas juste d'activité physique dans mes chroniques. On c'est parle large. Tout ce qui a rapport avec la santé. Ouais. Puis le diabète, c'est une des maladies qui est le fun aussi à parler, étant donné que ça peut être une des maladies qu'on peut, on peut modifier nos habitudes de vie pour contrer en partie cette maladie-là aussi. Puis c'est un problème qui est assez fréquent aussi dans notre société. Tu sais, dans le sens qu'on pense aux gens autour de nous, le diabète, ça atteint tellement de gens que, je sais pas, même vous autres, il y a-tu des gens que vous connaissez? Dire, moi, oui. Ma grand-mère, mon oncle, ma tante, quelqu'un moi. Quelqu'un de mon âge a du diabète dans ma famille. Okay. Dans la famille de quelqu'un que, qui est ma soeur, mais son chum, mais en tout cas, ça commence à compliquer. C'est ça, mais voilà, c'est tout le temps l'histoire de même. C'est ça. Il y a tout le temps quelqu'un proche de nous. Ouais. Toi, Stéphanie, je sais pas si t'en as, tu sais, oui, le diabète, type 1, type 2, grossesse, ça peut être tous des types de diabète, puis c'est des gens qui, ça peut venir chercher autant nous, autant des gens proches de nous. Puis, tu sais, les statistiques, moi, j'ai toujours des statistiques. Toujours des chiffres. Des chiffres. Statistiques. Non, mais hey, le plus pire, hein, c'est un mot que je déteste, le mot statistique. Là, c'est comme, mais en même temps, moi, c'est super représentatif. Là, Oui. Tu sais, en Amérique du Nord, là, 39 millions de personnes sont atteintes de diabète. Ah, 39 millions, là, ça en fait du monde. Là. Ça veut dire 11,4% des gens sont atteints d'une forme de diabète. Est-ce que ça comprend les personnes qui ne sont pas diagnostiquées et qui pourraient non, l'être? Non, c'est ça seulement qui est les diagnostiquées. T'sais, une personne sur deux qui souffre de diabète ne le savent pas. Okay. Ah ouais. Parce que ça peut être asymptomatique aussi. Fait que, tu peux faire du diabète et pas être au courant. Mm-hmm. Mais ça va te tuer éventuellement, ça? Ben, tu vas mourir de tout. Non. Pas nécessairement. Ça dépend des types, ça dépend des stades. Pis c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ouais. Tu sais, au niveau aussi des coûts des hôpitaux, on dit ça coûte cher dans les hôpitaux et tout ça. Là. 1 $ sur 9 de dépensés dans les hôpitaux sont dépensés pour contrer la maladie du diabète. Ah ouais! C'est fou, là. 1 $ sur 9. Là. Fait que si on dit, on parle de prévention, si on réussit à mettre toutes les chances de notre bord en tant que société, en tant qu'individu, ben c'est 1 $ sur 9 qu'on peut éviter en partie dans les hôpitaux. Ouais, ouais. Fait que ça fait un gros bout de chemin. Ouais. D'où toute l'utilité de la chronique de ce matin. Pour voilà. Sauver des frais dans les hôpitaux. Voilà, c'est la base. Il faut en faire ce qu'elle dit, comme dans Jean Diabète. Ah, mon Dieu, mais bonne, celle-là, je la retiens. Je la note. Merci. La note, Jean Diabète. Voilà, OK, je la retiens. On va la sortir dans mon cours de fesses de fin. Ouais, tu dis la copyright, Mathieu Plante de Mickey. Puis il y a un élément perturbant aussi. Là. À toutes les 7 secondes, il y a une personne dans le monde qui meurt du diabète. Mais là, c'est dommage déprimant. Oh mon Dieu, mais non, mais en même temps, c'est une prise de conscience, tu sais. Le diabète. Tu sais, avant ça, là, je sais pas si tu avais remarqué, là, mais Tu sais, on disait, ma grand-mère, ou peu importe, là, elle est morte de vieillesse. Oui, ça, on disait ça, bien elle meurt de vieillesse. On meurt plus de vieillesse, là. Ça, c'est fini. Là, c'est on meurt de cancer, de diabète. Maintenant, on a mis des mots sur ça. Fait que, tu sais, il y a des symptômes, puis c'est ça qu'on va voir ensemble, un petit pour se démêler là-dedans. En premier lieu, qu'est-ce que le diabète? Diabète, on le sait, on connaît le mot. C'est oui, rond, ça. C'est ça. On sait que ça existe, mais qu'est-ce que c'est? Là, je pourrais pas vraiment t'aider là-dessus. Mais. C'est un trouble métabolique qu'on a avec une présence anormale dans notre sang de sucre. Fait que notre taux de glucose va être trop élevé dans le sang. Fait que le diabète, c'est un peu de l'hyperglycémie, finalement. Le diabète, en tant que tel, lui, c'est une maladie. OK, on a le taux de sang plus élevé dans le taux de sucre plus élevé dans le sang. Est-ce que ça fait le taux de sang plus élevé dans le sucre. Ouais, ça, dans le café le matin, là, tu dans le goût, tu me prends deux laits, deux sang, s'il te plaît. Mais ben, ça peut engendrer d'autres maladies. Parce que tu dis, ouais, OK, le diabète, là, j'ai plus de sucre dans le sang, ça me fait-tu mal quand je me touche? Mais ben, ça peut engendrer des symptômes, puis ça peut engendrer d'autres maladies. Ce qui peut découler du diabète suite à un diagnostic ou pas de diagnostic, peut avoir les maladies des reins. Il peut avoir maladie cardiovasculaire, l'hypertension, maladie de la peau, infection des voies respiratoires, et j'en passe. J'en ai noté. C'est juste une courbe comme ça. Dire, le diabète peut engendrer d'autres problèmes aussi. Mettons qu'on se fait un petit cours d'anatomie 101, tu sais, pour pouvoir comprendre un peu mieux. Oh, ouais. Ah ouais, mais attends, peu, check ça vient de moi, là. Ça va être super simplifié. Anatomie 101, présenté par Cindy. Le pancréas. Connaissez-vous le pancréas? Les jeux pancréanadiens, c'est pas ça? Ce petit organe, oui, okay. D'une forme plutôt douteuse. Je regarde sur ma feuille, c'est pas ça qui est écrit. Mais, il est dessiné à la place par la clame douteuse. Ouais, c'est ça. Il est situé derrière l'estomac. T'sais, juste pour géographiquement parlant dans notre corps, là, il est là, on en possède tous un. Fait que voilà. Mais ce pancréas-là, lui, il est formé de cellules. Il y a des cellules alpha et des cellules bêta. C'est intéressant à date, hein? Ça c'est va. Le bout compliqué de la chronique, là, mais c'est juste pour se mettre dans le bain. Dans les cellules alpha, on va parler ici du glucagon, puis les cellules bêta, on va parler d'insuline. Mmh. Fait qu'en gros, le pancréas, lui, il sécrète de l'insuline et du glucagon. C'est ce qui va aider, dans le fond, à réguler le taux de sucre dans le sang. On est encore là, dans la partie scientifique de la chronique. Là. C'est pour s'aider à comprendre un peu. Quand la glycémie est élevée, mettons, je viens de manger un bain. Tu sais, c'est sucré. Bon, ça, je peux très bien l'imaginer. Oui, ça, c'est, le taux de sucre dans le sang va augmenter. Pour tous les êtres humains, le taux de sucre dans le sang va augmenter. Pour quelqu'un qui fonctionne bien, là, que le pancréas est encore en place puis qui a encore ses fonctions, ce que le pancréas va faire quand la glycémie est élevée, c'est que là, il va sécréter de l'insuline. Ça, c'est le mot à retenir. L'insuline va aller avec la glycémie élevée. Ce qui va arriver pour quelqu'un qui va souffrir de diabète, c'est que le pancréas a de la difficulté à sécréter de l'insuline. Ah. Ou il n'en sécrète pas. On va voir c'est la différence entre le type 1 et le type 2. Fait que le pancréas, s'il ne sécrète plus d'insuline, mais c'est là que le taux de sucre peut rester élevé dans le sang. Puis c'est là que bon, le diabète s'installe et l'hyperglycémie s'installe et que les problématiques s'installent. Okay. Fait que tout part de la petite bête, là, le petit pancréas qui est caché en arrière de l'estomac, qui sécrète ou non de l'insuline. Tout des pancréas du pancréas. Voilà, c'est beau. À la pancréation. Attends, t'as, va pas trop vite, faut que j'ai note tes jeux de mots. Faut que j'ai note. T'inspires les organes. Ah, mes organes inspirent. Comment les organes des autres m'inspirent ou mes organes? Les organes en général t'inspirent. C'est bon. Bon. Petit mot organe, ça me faisait penser à un autre mot puis un autre jeu de mots. En tout cas, je me tais. Alors, sur ce. Personne n'a rien dit de ça. À l'inverse, quand la glycémie est faible, tu sais, exemple, ça fait longtemps qu'on est à jeun. Notre glycémie va être plus ferme. Ouais. Ben à ce moment-là, le pancréas, ce qu'il va sécréter, c'est le glucagon qui va permettre d'augmenter ou de produire du sucre pour aller chercher du sucre. C'est dans Star Trek, ça aussi, je pense. Hein? Glucagon, oui. Ouais, peut-être. Ouais. Hein? Ce serait le fun d'avoir une image à l'écran du personnage dont tu parles, tu sais, mais je le vois. Je le vois dans mon cerveau. Ah oui. Et lui, ce qui va faire en sorte que ça va augmenter le taux de sucre dans le sang. Puis là, on parle d'hypoglycémie à ce moment-là. Okay. Ça, c'est une autre affaire complètement à part. Puis qu'on dit une affaire à la fois. Ça a l'air similaire parce que ça touche les mêmes affaires, j'imagine, oui. Mais c'est complètement différent. Il y en a un, t'as pas assez de sucre dans le sang. Okay. Et l'autre, t'as trop de sucre dans le sang. C'est juste l'inverse. C'est ça. Mais le diabète, c'est que t'as trop de sucre dans le sang. Okay. C'est ça, le diabète. Hypopotame, donc, c'est le contraire d'un potame. C'est ça. OK, c'est bon. Non, de l'hyperpotame. De l'hyperpotame, c'est bon. Pas tout le temps entre les deux. J'ai jamais vu ça, moi, une hyperpotente. Non. Ah, c'est vraiment. On voudrait mettre l'image à l'écran. Tu manques de quoi? Si seulement on avait un écran. Oui, c'est ça. T'aimes ça, les PowerPoints, oui, toi? Oui, ouais, moi, j'aime ça. Ça. Ben oui, la caméra 3. Là. Caméra 3, oui. Ouais. Les insulines d'une caméra. Les insolences. Hey, ça, c'était mauvais. Je sais, c'est une joke pas de le, pas, non, pas le gag. L'émission. OK, le gag était correct. L'émission était correcte. Ça passe encore, c'est merci. Bon. Mais c'est parce que ça rend la chronique plus légère, tu sais. Il y a beaucoup de. On essaie de rendre ça stable. C'est triste, le diabète. Oui, c'est triste, c'est triste. Si on n'en rit pas, on va en pleurer. Bon, mettons qu'on revient là, pour ne pas pleurer. OK. OK, là, j'avale mes râles. Bon. Alors, le diabète de type 1. Qu'est-ce que le diabète de type 1? C'est au moment où ce que le pancréas n'est plus capable de sécréter d'insuline. Lui, à ce moment-là, c'est comme un défaut de fabrication de notre pancréas, il n'en sécrète pas. Ça, à ce moment-là, le diabète de type 1, souvent, ça va être... plutôt génétique ou plutôt quelque chose que... Tu n'as pas le contrôle là-dessus. On n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. Okay. Tu sais, soit tu nais avec ça, que c'est déclaré dans le jeune âge, dans l'enfance ou dans le jeune âge adulte, puis que tu es pogné avec ça pas mal le reste de ta vie. C'est à ce moment-là que, tu sais, si le pancréas n'en sécrète pas, c'est que tu ne peux jamais gérer le taux de sucre que tu as dans ton sang. Ça devient problématique. Et c'est là qu'à ce moment-là, la seule chose qu'on peut faire pour contrer ça, c'est les injections d'insuline. Mm-hmm. Tu sais, le pancréas, il n'en sécrète pas, donc on va venir s'en shooter, en gros. Puis tout dépendant de ton suivi médical, tu vas avoir des doses différentes. Tu sais, d'où la différence entre je me fais une injection d'insuline et je me pique le bout du doigt. Tu sais, c'est deux piqûres différentes. Mm-hmm. Fait que ceux qui souffrent de diabète de type 1, là, ils en mangent une volée, le côté aiguille. Là. Faut qu'ils se piquent. Des fois, ça va être en début de journée, en fin de journée, avant le repas, après le repas, pour voir. Tout le temps vérifier. Pour vérifier, oui, oui. Tu sais, suite à ce qu'ils ont mangé comme aliment. Fait que c'est un contrôle, c'est quand même... c'est important. C'est une job à temps plein, c'est finalement. C'est une job, puis tu sais, imagine quand c'est ton enfant qui est pris avec ça. Tu sais, diabète juvénile, là, ça peut être ton enfant, là. Fait que faut que tu vérifies tout le temps sa glycémie. Faut que tu ajustes les doses, puis donner de l'insuline en conséquence de, tu sais, ou ce qui est rendu dans la journée, tout ça. Fait que c'est une grosse problématique quand même. Puis ça, c'est pas modifiable en tant que tel. On ne sait pas le diabète de type 1 de où qui pourrait venir exactement. Tu sais, on se dit, bon, il y aurait une partie génétique. Parce que c'est sûr que si les parents souffrent de ça, il y a plus de chances que les enfants souffrent de ça aussi. Mais ça pourrait être aussi des facteurs liés à notre environnement. Tu sais, la pollution et tout ça, ça pourrait être ça. Encore là, c'est dur dans les études de prouver tu sais, que c'est absolument ça qui est en cause. Une affaire qui est sûre, c'est que le diabète de type 1, c'est pas tant nos habitudes de vie. Contrairement au diabète de type 2, que ça, c'est le gros morceau là, qu'on va attaquer, là, ça veut pas dire de pas bouger, de pas bien manger, tout ça, parce que c'est sûr que quand tu es atteint de diabète de type 1, il faut que tu fasses attention aussi à ce que tu manges pour pouvoir aider à contrôler ta glycémie. Tu sais, il y a des indices, là, des aliments indices, indice glycémique faible, indice glycémique moyen, puis indice glycémique élevé, bien, tout dépendant des catégories d'aliments, bien, le corps va mieux gérer avec le sucre de certains types d'aliments. C'est encore là, je ne rentre pas trop dans les détails. Là. Ceux qui souffrent de ça, bien, regardez, ils savent un peu. Il y a des tableaux là, qui indiquent, là, en gros, l'indice glycémique élevé, les pâtisseries, tout ça, beaucoup de sucre. Faible, un peu plus les fruits, mais encore là, il y a des fruits qui se retrouvent dans certaines catégories, dans d'autres catégories. Ça, c'est le fun, c'est tout écrit. T'sais, pour les gens qui ont cette problématique-là, là, c'est tout écrit. Les doses d'insuline et tout ça, là, je ne rentre pas là-dedans matin non plus, mais tout ça, c'est écrit. Fait que c'est un gros apprentissage pour ces gens-là, mais c'est ce qui fait en sorte qu'ils vont pouvoir éviter beaucoup de problèmes, là, dont les maladies que j'ai nommées aussi. C'est sûr qu'il y a quand même des symptômes qui vont nous dire... des fois, il y a une petite cloche qui va te sonner et dire « Hey, ça se peut que tu aies une problématique puis que tu aies du diabète. » On disait ça peut être asymptomatique. Une personne sur deux ne sait pas qu'il y a du diabète, fait qu'il n'y a pas de symptômes. Mais il peut avoir des symptômes comme, par exemple, ça aussi, il faut le savoir, là, taux de glucose élevé dans les urines. Ouais, faut que tu vérifies. Là. Faut que tu goûtes. C'est dur à le viser correctement. Non, c'est sucré, ça se dépendant du sexe. Ah, bon, parce que t'es quand même plus capable de viser, tu penses? Moi, on pourrait faire un test dans les coulisses. Je t'en reviens là-dessus. Un des trucs qui peut arriver aussi, c'est des urines plus fréquentes et plus abondantes. Fait que finalement... Mon Dieu, il faut quand même être très conscient de son corps là, pour... Oui, parce qu'il peut y avoir d'autres choses qui peuvent faire en sorte qu'on a des urines plus fréquentes. Le stress, une grossesse, peu importe. Café. Le café. Ou, la bière. La bière. Ou tout d'un coup, on consomme plus d'eau cette journée-là. C'est sûr qu'il y en a quand même. Là. Mais ça peut faire en sorte aussi, règle générale, si tu as des urines plus fréquentes, plus abondantes, tu vas avoir plus soif. Fait que la soif est un autre symptôme. Ouais. Fait que là, il y en a font... semble que j'ai soif. Là, c'est on parle j'ai de soif, ça. C'est vrai que j'ai soif. C'est vrai que t'as soif, bois. Ça, ça veut pas dire que parce que t'as soif, t'as le dit. C'est un des symptômes. Steph, bon. T'as le diabète. Ah oui, c'est... Ah. T'as le paradiabète, paradiabète. Ouais, c'est vrai, à ce moment-là, non, moi aussi. Non. Moi, je parle de soif. Je fais pas de jeu de mots de diabète avec mon nom. Elle aime pas ça. Paradis à Berthe. Moi, j'ai trouvé drôle. Non. Mais elle aime pas ça. Non, OK, on la réutilise pas, celle-là. Non, juste entre nous. OK, entre nous, entre toi et moi. Jésus qui est dans le coin. Il était à genoux dans le coin et il fait un mauvais coup. T'es en train de se pisser derrière, ouais. Ah, mon Dieu, ça, c'est trop. Fait que j'enchaîne. J'ai pas fait exprès, ça sort seul, des fois. Voilà, puis il peut avoir aussi une perte de poids ou un gain de poids aussi, suite à ça. Plus, ça dépend aussi encore d'un paquet de fonctions, un paquet de que je rentre pas dans les détails, mais ça peut arriver, ça peut être un des symptômes du diabète. Il y en a d'autres symptômes du diabète, comme par exemple la fatigue extrême. Puis là, ça me fait penser, là, tu sais, tous les symptômes que je suis en train de nommer actuellement, là, ça pourrait ressembler à des symptômes d'une grossesse aussi, hein? Ah. Ça peut ressembler à plein d'autres affaires. À plein d'autres affaires aussi, là. Fait que, tu sais, il ne faut pas paniquer non plus avec ça, là, avec les symptômes. C'est juste que tu dis, quand que ça arrive, ça, ben, ça peut être une bonne idée de, si ça persiste dans le temps, d'aller consulter son médecin, tout simplement. Fait que là, finalement, tu dis... C'est toujours un bon conseil. Ben oui, tu sais. Oh mon Dieu, peut-être que je souffre de diabète, mais finalement, oh, surprise, c'est enceinte. C'est jamais une bonne idée de s'auto-diagnostiquer comme non, ça. Non, jamais, jamais. Aller sur Internet, googler les symptômes. Ouais. Prendre conscience. Hey, non, ça, c'est une des là, affaires. Le cancer, là. Oh là là, quand tu vas googler des affaires, là, c'est sûr que tu as des cellules cancéreuses dans au moins un des... Fait que, ça prend à la légère. Hein? Ouais. C'est pour sonner des cloches, pour être plus informé, ouais, mais ouais. On veut pas fou avec ça. D'autres symptômes, là, le diabète, ce que ça peut faire... Puis là, le diabète, là, on parle du type 1, mais le type 2, c'est la même chose aussi. Des infections plus fréquentes, puis des blessures qui guérissent plus mal. On a plus de difficultés à guérir des blessures. Pourquoi? Le système immunitaire il est affecté. Le corps est complètement débalancé. Le corps a de la misère à tout gérer. Fait qu'imagine gérer un virus en plus. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui vont être obligés de se faire amputer des fois un orteil parce qu'ils soignent pas cette infection-là. Oui, puis tu sais, une problématique encore plus pire, tu sais, un autre des symptômes qu'il y a dans le diabète, c'est, tu sais, les mains, les pieds engourdis, on perd de la sensibilité en périphérie. Les mains, les pieds, les bouts. On perd de la sensibilité dans les bouts. Je fais une parenthèse, là. Problème érectile rentre dans une des possibilités, un des symptômes. Non, voilà. ça rentre plus dans les... Oh là là. Ouais. T'enchaînes. Ouais, passe à ça. T'enchaînes les yeux, saignent, là. C'est à cause de Jésus aussi. Il en fait bien des affaires ça aujourd'hui. Ça peut être une problématique. Tu sais, Les lésions. On peut avoir un bobo au pied qu'on le sent pas. Puis souvent, tu sais, ça va avoir encore plus d'infections. On prend pas soin nécessairement de notre corps. On laisse aller, on dit oh, ça fait pas mal, il y a un petit quelque chose qui traîne là, c'est pas grave, ça fait pas mal. Puis on laisse traîner là. Puis à un moment donné, on laisse traîner trop longtemps. Puis ça revire. Tu sais, cette blessure-là qui est mal guérie peut se nécroser. Nécroser, ça veut dire des cellules qui meurent, là. Puis un coup qu'il y a trop de cellules qui meurent puis qu'on attend trop longtemps, bien, c'est là que, oui, Steph, on peut se rendre à l'amputation. C'est là qu'on peut arriver. C'est pas une bonne idée de laisser traîner ça quand t'es diabétique. On laisse pas traîner ça. Fait que, tu sais, l'auto-examen des pieds, des mains, hein, dans le cas du diabète, c'est super important. On n'en parle pas assez, l'auto-examen des pieds. Non. Il n'y a pas de pub là-dessus comparé aux seins, ça. Non, c'est ça, hein. Ouais, hein? On a des images d'orange, ça, les pieds. Ouais. C'est un autre affaire. Mais encore là, quelqu'un qui a le diabète devrait être conscient de ça. Là. Oui. T'sais, regarde, le médecin devrait y en avoir parlé à cette personne-là. Oui. Ceux qui n'ont pas de diabète commencent à s'examiner les pieds. C'est un autre débat. C'est ça. Fait que ça, c'est d'autres problématiques. Fait que tu dis, mon Dieu, c'est le diabète. Oui, OK, le taux de sucre dans le sang, mais il y a tellement d'autres problèmes qui peuvent arriver avec ça que c'est bon de le prendre en considération. Là, tout ça, tous ces symptômes-là, autant le diabète de type 1, autant le diabète de type 2, c'est applicable dans les deux cas. Mais tout ce qui est le fait qu'on ne puisse pas le prendre en charge nous-mêmes, c'est le diabète de type 1. Tu sais, que tu dis, tu nais, c'est un défaut de fabrication que tu as, puis que tu es pogné avec ça, fort probablement pour le reste de ta vie. Le diabète de type 2, lui, à l'inverse, c'est aussi un défaut de fabrication. C'est encore le même niveau là, au niveau du pancréas. Sauf que là, le pancréas va avoir de la difficulté à sécréter de l'insuline. Puis là, ça peut être à des niveaux différents. Mais là, est-ce que tout le monde peut le développer, le diabète de type 2? Tout le monde peut développer ça. OK. Tout le monde peut développer ça, mais il y a quand même des facteurs de risque. Tu sais, les facteurs de risque, si je les nomme, être âgé de plus de 40 ans. Là, on est dans le diabète de type 2, là. Être âgé de plus de 40 ans, c'est un facteur de risque. Okay. Mais maintenant, puis avant, sais, avant, les enfants avaient très peu ou très rarement le diabète de type 2. Puis maintenant, c'est triste, mais de plus en plus. Mm-hmm. Pourquoi? À cause de nos mauvaises habitudes de vie. Tu sais, on voit de plus en plus d'enfants qui sont obèses, qui sont inactifs, qui commencent à souffrir de maladies cardiovasculaires. Toutes les maladies, là, nomme-les, là, de plus en plus, ça va chercher les jeunes enfants, mais le diabète de type 2 va maintenant aussi chercher les jeunes enfants. Et pourquoi? Ça, c'est pas dû à la génétique, c'est dû à nos mauvaises habitudes de vie. Fait que le diabète de type 2, tu sais, l'âge, oui, c'est un facteur de risque 40 ans et plus, mais maintenant, de plus en plus jeune. Mais ça, c'est plate, les enfants, parce que c'est tellement pas leur faute. Non, c'est ça. Leurs habitudes de vie. Oui, là. Vraiment. Fait que, tu sais, les antécédents familiaux, là, ça en est. On parle de génétique. Oui puis non, tu sais, c'est plus le fait que les parents mangent pas bien, bougent pas, transmettent ça à leurs enfants, mais leurs enfants sont pognés avec ça aussi. Là. Fait que les antécédents familiaux qui font partie quand même des facteurs de risque. Le diabète de grossesse. Ceux qui ont déjà souffert de diabète de grossesse, c'est un autre type de diabète qu'on va parler, là. Ceux qui ont souffert de ça ont de 3 à 20% de chances de souffrir du diabète de type 2. Tu sais, je dis souffrir, hein, c'est une souffrance, là, le diabète, ouais. Là, plus tard dans leur vie. Ah. Fait que c'est un facteur de risque, fait que c'est à surveiller. Quelqu'un qui a diagnostiqué diabète de grossesse peut avoir ça plus tard. Tous ceux qui souffrent de ou ont souffert de taux de cholestérol élevé, de haute pression, d'obésité, d'autres maladies associées, comme mettons à l'obésité, l'apnée du sommeil, tout ça, là, toutes les maladies qui sont... Puis tu sais, je vous ai déjà là, bourré les oreilles avec ça dans des chroniques précédentes. Toutes les maladies qui sont reliées à nos habitudes de vie, tu sais, qu'on peut contrer, qu'on peut prévenir, c'est la même chose avec le diabète de type 2 aussi. Fait qu'aussitôt qu'on a une de ces maladies-là ou une de ces problématiques-là, bien, le diabète de type 2 peut arriver aussi. Parce que maintenant, le pancréas a de la misère à fournir lui aussi suite aux autres maladies, puis ça vient créer des problèmes encore au niveau du taux de sucre dans le sang, puis du pancréas qui a de la misère à gérer l'insuline. Tout le temps la même affaire. Tout le temps, le pancréas qui a de la misère à gérer l'insuline qui fait en sorte que notre taux de sucre est trop élevé dans le sang. C'est ça, le diabète. Ensuite, tu sais, le diabète de type 2, ce qu'on peut se dire puis ce qu'on peut retenir, s'il y a quelque chose à retenir dans cette chronique-là, c'est qu'on peut en venir à bout. Pas tout le temps, pas dans tous les cas. Là. C'est sûr que quand tu as une grosse partie de génétique là-dedans et que c'est vraiment élevé, ça se peut qu'à un moment donné, tu sois obligé de faire des injections. Mais tu sais, dès le moment que tu as un diagnostic, tu sais que souvent, avoir un diagnostic de diabète de type 2, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir un symptôme. Tu sais, tu vas être fatigué ou tu vas... Fait que là, tu vas aller voir ton médecin va te passer une batterie de tests. Tu sais, c'est-tu ton fer qui fonctionne pas bien, c'est-tu... Mais il va mesurer ton taux de sucre aussi. Là, tout dépendant de ton taux de sucre, si t'es à jeun ou pas, il va pouvoir te dire si tu fais du diabète. Puis si tu fais du diabète, à ce moment-là, à quel degré, à quel niveau? À partir du moment que tu sais que tu fais du diabète, ton médecin, la première chose qu'il va te dire, modifie tes habitudes de vie. Fait qu'au niveau de l'alimentation, c'est sûr, encore une fois, c'est toujours tout basé, hein? Si tu peux aller voir une nutritionniste ou un aide extérieur pour t'aider à améliorer ton alimentation ou juste toi-même couper les sucres, tu sais, couper la liqueur, couper toutes les sucreries, couper les portions de pâtes à n'en plus finir, à manger quand même, mais couper dans les sucres, ça peut déjà t'aider beaucoup. Aujourd'hui, il y a tellement de livres de recettes juste pour les diabétiques. En plus. Il y a tellement des bonnes options. Oui, oui. Puis tous les livres qui sont basés sur le guide alimentaire canadien, bien, ça l'aide aussi à ça, le contrôle du diabète. Parce que dans le fond, tu vas manger ce que ton corps devrait avoir besoin de manger, là, pour n'importe quel être humain. Quand tu dis couper le sucre, là, c'est pas prendre une barre de chocolat puis la couper avec une fourchette puis un couteau. Puis... Non, c'est ça. Mais si tu la coupes en deux puis tu en manges juste la moitié, tu as déjà une longueur d'avance. Ah. De couper de 50%. Fait que ça, tu peux couper dans le sucre aussi avec ton alimentation. Avec l'activité physique, là, quand même, si tu commences à t'entraîner, puis là, ce qui est intéressant aussi là, chez les diabétiques, et encore là, il y a plein d'études qui ont été faites, là, le fait de s'entraîner une journée sur deux. Tu sais, le truc magique de dire, puis je dis de s'entraîner, là, aller prendre une marche, aller bouger, n'importe quelle activité physique, ça viendrait aider à améliorer ta sensibilité à l'insuline. Okay. Fait que finalement, vu que tu serais plus sensible à l'insuline, bien, tu serais mieux capable de gérer le taux de sucre dans ton sang aussi. Fait que l'activité physique amène ça. Fait que les gens qui ont des problèmes de diabète peuvent venir régler cette problématique-là avec l'activité physique et avec l'alimentation. Fait que c'est la première chose à faire, modifier tout ça. Puis une fois que tu as modifié tout ça, là, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, ton diabète peut être amélioré, voire même réglé, mais en même temps, souvent, le diabète n'est pas tout seul, il vient avec l'obésité. Mais tu trouves à perdre du poids. Et là, le diabète vient avec la haute pression. Mais tu trouves à améliorer ta pression, ton cholestérol. Tu sais, tu viens améliorer tout. C'est une formule. C'est un gros package deal. Là. Fait que la pilule de s'entraîner, de bouger puis de manger mieux est applicable pour toutes les maladies, dont le diabète. Là, encore là, c'est, tu sais, tu l'essayes, tu fais ça pendant une couple de temps, après ça, tu retournes voir ton médecin, il reprend ta glycémie, et là, à ce moment-là, il va pouvoir te dire, est-ce que les modifications que tu as faites dans tes habitudes de vie ont été assez grandes pour pouvoir contrer les injections? Ça se peut que oui, ça se peut que non. Fait que si ça se peut que non, ben là, oui, tu vas avoir des injections à prendre à ce moment-là pour pouvoir, encore une fois, avoir plus d'insuline. Mais tu risques de prendre encore moins de médication que si tu fais absolument rien. Oui, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Ça fait une énorme différence, là. Ça, c'est fou. Fait que ça reste toujours la formule magique. Je pense que tu sais, je dis ça dans toutes mes chroniques. J'ai plus, bon, j'ai mieux. Puis maintenant, si je fais une petite parenthèse sur le diabète gestationnel. Okay. Gestationnel, qui veut dire le diabète qui est déclaré durant la grossesse. Habituellement, c'est à partir de la 23-24e semaine de grossesse que le diabète gestationnel va être diagnostiqué. C'est sûr que durant toute la grossesse, il y a un débalancement hormonal, mais encore plus important à partir de 23-24e semaine. Ce débalancement-là hormonal, il va venir jouer sur les fonctions de l'insuline, même patente. Va venir jouer sur l'insuline qui va faire en sorte qu'une personne, une femme enceinte normale qui est capable de gérer son taux de sucre dans le sang, bien là, rendu 23-24e semaine, pourrait avoir cette problématique-là. Puis là, ce que ça peut arriver, c'est que, bon, la femme enceinte va avoir un problème au niveau du taux de sucre, mais le sucre, il transpasse la barrière là, qui sépare l'enfant puis la mère, ça passe à travers cette barrière-là. Donc, l'enfant a une surdose de sucre aussi. Ce que ça va apporter, c'est que c'est à ce moment-là que ça peut faire des gros bébés. Puis moi, vois-tu, quand j'étais enceinte, je savais même pas que j'avais cette problématique-là. Ils m'avaient dit que j'avais peut-être une problématique de sucre et tout ça, mais ils ont oublié pour pousser plus loin. C'est un oubli. Et ça m'a formulé un beau bébé de 10 livres et demi. Puis là, à ce moment-là, puis là, on recule comme de 9 ans de ça. Puis là, ils disaient, t'as un gros bébé. Mais le gros bébé, finalement, après coup, là, à force de lire là-dessus et tout ça, puis à force, là, maintenant, aujourd'hui, là, ça serait ma grossesse, serait aujourd'hui, ça serait encore plus. J'aurais été diagnostiquée direct en partant, diabète de grossesse. J'aurais tout de suite eu une diète. Il aurait fallu que je fasse déjà attention à mon alimentation et mais tout si ça. Mais si ça avait été aujourd'hui, je pense que t'aurais pas eu de problème là, à surveiller ton alimentation. Oui, c'est ça. Mais tu sais, oui, mais en même temps, je faisais quand même attention à ce moment-là, mais enceinte, j'ai eu un laisser-aller. T'as faim, t'as des rages, bouge moins. Puis à ce moment-là, si j'avais pas été capable de le gérer en modifiant mes habitudes de vie, ça se peut que j'aurais eu des injections d'insuline. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que là, c'est pas juste mon bébé il est gros. Tu sais, c'est que ça peut venir causer problème sur sa prise de poids plus tard. Mm-hmm. Les bébés qui ont eu une mère qui avait le diabète de grossesse ont deux fois plus de chances de devenir obèses dans leur futur. Puis ont encore plus de chances de développer eux-mêmes le diabète de type 2 plus tard dans leur vie aussi. Fait que si on peut éviter ça à nos enfants, bien tant mieux. C'est juste en nous, là, en gérant mieux notre taux d'insuline. Fait que il faut le savoir, puis il faut prendre les mesures aussi. Ensuite de ça, les facteurs de risque pour les diabètes de grossesse, il y en a quand même. Quand on a une grossesse de plus de 35 ans, on peut être plus porté à faire du diabète de grossesse. C'est long pour une grossesse, ça? 35 ans. Oui, c'est ça, j'ai dit une grossesse de plus de 35 ans. Oh mon Dieu, pauvre femme à la fin, tu dis, oh mon Dieu, non. Ah, Seigneur. Mettons que tu as 35 ans et plus et que tu tombes enceinte. Ah, d'accord. Ah, voilà. Faut expliquer des choses des fois. Dans mon cerveau, des fois, c'est fluide. Faut se descendre à mon niveau, des fois. Et un IMC, on a parlé de l'IMC là, la semaine passée, l'autre d'avant, un IMC de plus de 30. Donc, tu es en obésité. Ça peut, tu sais, le fait que tu sois obèse, déjà en partant, tu commences ta grossesse, ça peut augmenter ton facteur de risque d'avoir diabète de grossesse. Et si dans tes grossesses précédentes, tu as accouché d'un bébé de plus de 4 kg, ça pourrait être un facteur de risque aussi. Fait combien en livres? Ouais. Hey, fois 2,2. Mathieu, cerveau, fais-nous ça. Excuse-moi, comment? Non, il est pas bon. 4 fois 2,2. 4 fois 2,2? Là, c'est le cerveau qui demande la question. Ça marche pas dans cette affaire-là, ça? Je pensais que ça marchait pour faire les calculs. Ah, c'est long, là? Ouais, non, je sais. Je pensais qu'il y avait... Moi, j'avais guessé 8,4, mais j'enchaîne parce que moi aussi, les maths. Alors, voilà. Tu sais, le diabète de grossesse, qui est aussi un autre type de diabète, parce que ça va être très... Ça va sembler beaucoup au diabète de type 2, mais bon, faut être enceinte. En gros, c'est ça. Puis les facteurs de risque peuvent être différents et tout ça. Mais il reste que, pour pouvoir traiter le diabète de grossesse, c'est la même chose que le diabète de type 2. On peut contrer ça par les habitudes de vie. Puis si ça ne fonctionne pas, bien là, oui, ça va être les injections. Tout ça, c'est avec le médecin que ça va se faire aussi. Donc, l'idée de la chronique d'aujourd'hui... Si on a quelque chose à retenir, déjà avant de savoir qu'on a le diabète, parce qu'on sait qu'une personne sur deux va avoir le diabète, qui a le diabète ne le sait pas, bien déjà avant de dire je suis diagnostiqué, bien prévenons donc le coup en modifiant nos habitudes de vie. Fait que si on peut se dire, regarde, on l'a-tu le diabète, on le sait pas. Est-ce que ma mère a le diabète, je le sais pas, mais est-ce que tu sais, je peux l'aider, tu sais, en disant, regarde, on va aller prendre une marche, tu sais, on peut prévenir tout ça avant d'avoir le diagnostic de la maladie, puis après ça, t'es poigné avec le problème. Ouais. Alors voilà. Voilà. Et si elle te donner une note, je te donnerais 8,8 livres. Sur 8,8. Ah. C'était ça la conversion. Voilà. Fait que mon cerveau est pas si pire que ça. C'est ça. Moi, j'ai dit la réponse tantôt parce que je me trouve bien bonne. Non, t'as dit 8,4. Ah, c'est ça que j'ai dit? Ah non? Mais c'est pas grave, on n'a pas l'enregistrement de ça. Moi, j'ai dit 8,8. Alors voilà. Moi, je te lancerais des tomates pour cette réponse ou encore des diabétraves. Ah, ben celle-là, je la note aussi. Des betteraves. Voilà. Cuisse, j'espère, sinon ça fait mal. J'espère. Sinon, il y avait. C'est qui déjà la fille de l'autre, là? Diabète Blouin-Bratouin? Hey, on est rendu à 7 jeux de mots. Merci. Alors, c'est 7 jeux de mots de qualité discutable présentés par Mathieu. Ils sont en collaboration avec la chronique de Cindy Gilbert de Activer votre santé. Merci, Cindy Gilbert d'Activer votre santé. Merci. On se retrouve dans deux semaines. Yes! Mercredi à 8h pour Activer votre santé. Bye! Bonne journée. Mais c'est bon, les betteraves. Oui, c'est ça le sucre de betterave là, qu'il y avait chez la boutique de thé. Oui. C'est bien à la mode, apparemment, ça, de la betterave en sucre. Sucre de betterave. Sucre de betterave. C'est bon! Ouais. C'est différent. C'est bon. Moi, j'aime ça sucré, ça. Ben ouais. Puis ça va me donner un diabète plus tard, ça. Hein? De type 2. Bon. Alors, on prend une pause au retour. Pas gestationnel, non. Pas gestationnel, sûrement pas. J'ose espérer que non. Au retour, c'est Frédéric Bernard et Crackpot TV. Vous êtes ensemble à jouer qui jusqu'à 9h30. Fou de découverte. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon retour, vous êtes à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est mercredi 11 mars 2015. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Blanc. On passe d'un sujet à un autre, mais complètement différent. Des fois, ce qui peut causer un diabète, c'est peut-être l'inactivité aussi, j'imagine. Je sais pas. Ben oui, a juste parlé pendant une demi-heure. C'est ça, mais je sais pas, mais qu'est-ce qui pourrait être inactif? Mettons, si on avait à choisir une activité pour rester inactif le plus possible. Pour dormir. Se donner un diabète. Non, pas dormir. Dormir, c'est pour les faibles. Qu'est-ce que tu... Dors pas, toi. C'est la TV! C'est Crackpot TV! Ah! C'est Crackpot TV avec Frédéric Bernard. Bonjour à toi. Mais bon matin. Ça va bien, vous deux? Tellement. Toujours. Toujours bien. Surtout ta présence pour parler de TV. Rien de plus divertissant pour nous que ça. Eh oui, vous en apportez encore une de plus à mettre à votre palmarès. Rajoute ça sur la pile. On va tout être diabétique, finalement. C'est ça. Laisse l'argent sur le comptoir, puis comme on dit, tu sais. C'est drôle que vous ayez fait cette suite-là, cette chronique-là, juste avant moi, puis moi qui viens. Mais c'est toujours... Vous donner une raison, finalement, pour pogner les maladies capables. C'est ça que ça donne, mais en même temps, on va mourir heureux. Donc, l'entraînement et la télé sont compatibles. Tu peux regarder l'émission sous le tapis roulant, tu peux faire les deux un après l'autre. Ouais, c'est vrai. Ah, parce qu'en même temps, c'est difficile de suivre, ça. Non, c'est de la merde. Ouais, j'aime. Ah non, moi aussi, je pense en même temps. Ouais. J'essaie de trouver une façon. Pis c'est pas un entraînement d'aller sur IMDb et de checker dans quelle émission tel acteur était. Ça. Ouais. C'est pas un exercice. Non? Ouais, peut-être. Hey, je serais vraiment en forme. Sur un iPad, faut que tu swipes, tu sais. Fait que c'est plus. Ouais, ça fait les. Plus d'exercices. Mais c'est clair, t'es sur ton divan. iPad. iPad. Pas décœuré, là, Mathieu, mais genre iPad. Ouais, bravo. Ouais. En tout cas, bref. Donc, on parle de télé et on parle d'une autre série encore une fois. Frédéric Bernard, tu nous surprends comme toujours avec une thématique. Pas une thématique, mais un style de plus en plus varié. Tu changes de style oui, à chaque semaine. Oui, je vais changer, je vais peut-être vous surprendre plus les prochaines fois. Hein? Si quelqu'un me répond. C'était-tu une pin en verre, ma non-communication sur Facebook, ça? Je pense non, que non, oui. Non, du tout, du tout. Je pense que tu, oui. Tu checkeras ça, tu me répondras, puis tu reviendras. Je te jure que d'ici la fin de la session, tu vas pouvoir faire ce que tu m'as demandé. C'est bon. J'ai commencé à écouter Pokémon, soit dit en passant. Pour la huître. Pour le plaisir. Je vous avais parlé d'un reboot de Pokémon. Oui, nouvelle génération. J'ai commencé à écouter ça. C'est bizarre. Commencé à regarder le nouveau? Oui, un nouveau. Oh, wow! C'est bien bizarre. OK. C'est parce que la face des personnages ressemble au Razmoket. Ouais, c'est bizarre. Okay, en tout cas... Envoie-moi le lien, je vais regarder ça d'ici l'automne prochain. C'est bon. Donc, la série que je vais vous parler aujourd'hui, on va retourner sur le continent américain. Alors, on va retourner du côté américain. Alors, un autre... la dernière fois, je vous avais parlé, du Japon. Là, on retourne sur un autre qui produit beaucoup de séries télé, qui en a produit beaucoup ces dernières années. On reste un petit peu dans le gore, mais moins pire. Okay. Je sais pas si vous avez... avez-vous été curieux? Avez-vous été voir la semaine passée pour Tokyo Ghoul? J'ai le temps de rien faire. Désolé. Bon, OK. Ça va avec le reste de ma non-communication. Je suis tout entré maintenant, je suis rendu moine. Qu'à un moment donné, quand t'écoutes 40 séries en même temps, ça... Oui, c'est ça. c'est un ça peu que... trop. Mais l'été s'en vient, on va avoir le temps de regarder tout ce que tu nous as dit. Le lien que je faisais avec Tokyo Ghoul, c'est que Tokyo Ghoul, c'est un côté très gore, très intense. Je vous disais justement que ça pouvait être inconfortable. Là, oui, on est dans le gore, mais le réalisateur, je trouve ça très drôle parce qu'il faisait une entrevue où il disait que c'était du gore cool. Okay. Ah, ça se peut, ça. Fait que c'est... ça a de l'air... Ça, à ce qui paraît, ça passe mieux. C'est rare que le gore est cool. Check Al Gore. C'est pas très cool, ce gars-là. Oui. Ouais. Joke politique. C'est vrai qu'il est pas cool. Il parle de réchauffement de la planète. Ouais, tu vois. Hein? C'est comme un gag d'un certain niveau comme bas, puis tu l'as remonté d'un cran. Il est devenu comme potable, ça. Pas bien, hein? Ouais, il est carré. Donc, chaise potable, chaise manque, joke de ballon. Toujours là pour ramener dans le Toujours là pour le joke de ballon. Donc, la série que je vais vous parler, c'est The Nick. Alors, je sais pas The si Nick, l'équipe de basket. Le Knicks. Non, du tout. Oui, on est dans le gore d'une équipe de basket. Ça se lance le ballon, les passes, c'est violent. C'est pas un ballon, c'est des têtes. Oui, c'est ça. Ah, il tue un joueur après chaque partie perdue. Je pense qu'il y avait un mythe comme quoi il y avait une équipe de soccer qui faisait ça. Là, ceux qui, Ah ouais? Je me rappelle plus de leur nom. En Europe, comme quoi, genre, qu'ils fouettaient les joueurs après un mauvais match ou quelque chose. En tout cas, quelque chose d'intense. Je m'y connais pas assez là-dedans pour m'aventurer plus loin. Ah, date, c'est pas mal ça qu'on fait, pas savoir de quoi on parle. Ouais, c'est ça. Aller trop loin. Donc, The Nick, en fait, c'est une série médicale. Alors, parce qu'il en manque beaucoup. C'est rare, on n'en voit pas assez des séries médicales. Si ça avait été une série sur la politique Montréal, ça avait été The Nick Coderre, mettons. Ça avait... Ah, moi je le trouve bon. Je connais pas la politique, j'essaie d'en faire, mais je suis pas. T'es correct, parce que je sais pas s'il est vraiment policier montréalais, je sais pas. Comment? Ben Montréal. C'est pas mal. Nick Coderre, c'est pas mal le maire de Montréal. Ok, tu vois, je suis pas au courant, c'est bon. Ok. Fait que je suis juste à rien dire, ça paraîtrait pas que c'était comme ouais, un gag. Ouais, t'aurais eu l'air vraiment moins niaiseux. Cool. Merci. Faudrait que tu te coupes, tu t'en sors. T'es-tu capable de comme couper les dernières minutes? Ouais, c'est ça. Pour les meilleurs ouais, moments, je vais mettre juste le bout où c'était drôle. Donc, il va mettre au complet, ouais, il est clair. Tellement maso. Vraiment, je fais tout le temps ça. Bref, excuse-nous pour nos impertinences. Mais non, pas de moi, j'étais pertinent. C'est ça, ouais. Ah, oui. Steph est toujours pertinent. Non. Avec tes liches. Fais-toi pas d'illusions. Le diffuseur, c'est Cinemax, alors une filiale de HBO. L'année de production, c'est en 2014, alors c'est tout récent. Ça a une saison en ce moment. C'est tout frais. Chaud. Alors, c'est fini il y a quelques mois. C'est fini, je pense, dans les environs de Noël. Là. Alors, c'est vraiment tout frais. L'idée, c'est Jack Amiel et Michael Biggle. Biggle? On va dire Biggle. Biggle, je pense, ouais. Ouais. Bigel, moi ça me convient. Bigel, ben ouais. Le réalisateur, attendez une minute, je l'ai comme pas noté à la bonne place. Ça doit être fromage à la crème. Sidenberg. Pardon? Ça doit être fromage à la crème ou Philadelphia. Mais oui. Chronique de Bigel. Bigel. Hein, tu veux? Je suis pas tout à pertinente. Hein? C'est parfait, non, vraiment pas. Non, moi j'ai trouvé ça pertinent. Je trouve que ça nous fait évoluer dans notre culture personnelle. Et qu'est-ce qu'il est fort? Notre construit. Donc, les acteurs, c'est Clive Owen et Andrew Holland. C'est surtout ces deux personnages-là qu'on va suivre beaucoup. Beaucoup d'acteurs qui sont connus en Angleterre. Alors, de ce que j'ai vu que j'ai feuilleté, Clive Owen a une grosse carrière en Angleterre, beaucoup de récompenses là-bas. Aux États-Unis, oui, son visage va vous dire quelque chose. Il a fait quelques films, il est apparu dans La mémoire dans la peau et Le fils de l'homme. Je sais pas si c'est des films que vous avez vus. Je sais que c'est des films qui ont existé parce que j'ai fait une recherche. Ouais, ouais. Mais ça, t'invente pas des noms. Non, là. C'est ça. Mais je les ai pas vus non plus. Okay. Donc. Tu regardes la TV, pas des films, tu sais. Oui, c'est ça. Faut pas tout me demander. C'est ça. À un moment donné. C'est comme répondre à ses messages. C'est genre, faut choisir ses priorités dans la vie, tu sais. Ouais. Je regarde la TV. Donc, résumé. Oui. Alors, un court résumé. Alors. La médecine n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, antibiotiques, cautérisation, avortement, césarienne étaient des mots inconnus dans le jargon médical. C'est au début du 20e siècle que ces mots s'installeront dans le langage populaire. Denick nous invite à découvrir l'âge d'or de la médecine, où tous les scientifiques du globe couraient après la découverte, puisque la religion ne créait presque plus de tabous dans le milieu médical. De vrais spécialistes étudiaient le phénomène pour une fois. Mais ces découvertes ne se sont pas faites sans sacrifice. Chaque chirurgie est un pari risqué et les morts nombreux, souvent considérés comme un échec de plus avec l'espoir de s'améliorer. Nous assistons à la folie de certains médecins de vouloir absolument faire la découverte qui changera les façons de faire. Au travers des éléments historiques, Dr. Thackeray voudra lui aussi se démarquer. Complètement obsédé, il utilisera tous les moyens pour réussir, entre autres une césarienne. En parallèle, Denick lève le voile sur un autre personnage, Dr. Edward, un jeune médecin noir très réputé en Europe, qui se retrouve à devoir travailler dans un hôpital au cœur de New York, gangréné par le racisme, les putes, le marché noir et des logements de basse qualité. Il devra faire face au Dr. Thackeray, lui aussi raciste et pourri par la drogue. Les deux devront pourtant apprendre à se faire confiance s'ils veulent sauver plus de vies qu'ils n'en fauchent. Pas une série heureuse, ben, ça a pas l'air. Ah, c'est pas si pire. Ouais. Deux, trois gags. Dans toute la série. Ça a l'air tellement à l'opposé de l'univers de Scrubs. Genre, oui, c'est oui. Vrai. Oui. Mais là, vraiment, on est dans une série historique. Alors, qui se veut très fidèle historiquement à ce qui se faisait au début du 20e siècle. Donc, puis là, on parle vraiment de début du 20e siècle. Alors, on est fin année 1800, 1900. Okay. Fait que, comme on parlait du... dans la série, on parle du début de la radiologie qui est apparue dans les années 1906. Je me trompe pas autour de ça. C'est trop précis pour pas que je me trompe. Non, on va dire autour des années 1910. C'est ça, parce que J'étais trop précis. Ouais. Donc, on est vraiment dans ces années-là. Fait qu'on est vraiment au début du 20e siècle. On est dans l'hôpital... on se promène dans l'hôpital Knickerbocker. Lis ça. Hey boy! Eh boy! C'est pas facile à lire. Je vais essayer moi aussi. Ouais, Knickerbocker. Knickerbocker. Je vais essayer. Knickerbocker. Attention. Il y a juste trop de consonnes. Il y a trop de K. Knickerbocker. Il y a trop de CK, ouais. C'est vrai, il y a trop de K. On va dire Knickerbocker. Il y a juste un K, mais je trouve pas. T'es sûr que t'as pas pris la première moitié du mot, tu l'as recopié-collé en plein milieu. Puis... Ah, peut-être. C'est motherfucking Knickerbocker. Motherfucker. En fait, c'est un hôpital qui a vraiment existé. Alors, c'est aujourd'hui, c'est un immeuble à logement, mais c'est un hôpital qui a vraiment existé à New York, dans lequel, entre autres, durant la guerre de sécession, on a guéri plusieurs militaires, là. On est vraiment au début du 20e siècle, donc les antibiotiques n'existent pas encore. Les radiographies, ça apparaît, c'est tout nouveau. On sait même pas comment... en fait, on maîtrise pas encore les saignées. Quand je parle de saignées, c'est... les hémorragies, je devrais plutôt dire. On maîtrise pas encore les hémorragies. Alors, comment cautériser une veine? D'où ça vient exactement? On sait que ça vient des veines, des vaisseaux. Savoir quel vaisseau, c'est encore à l'étude. Alors, des hémorragies, ça en est en plus finir. Ils font des césariennes où les femmes meurent d'hémorragie, finalement. Alors, c'est super sympathique parce qu'ils ouvrent le ventre, mais ça saigne. Et pour enlever, moi, je trouvais ça quand même... cocasse parce que cocasse ben pas vraiment, on parle de mort. cocasse, ils mettent quand même pas des croutons dans bon, sa okay. Marienne, je vous ai dit qu'il y avait 2-3 jokes, mais ça dépend de votre style du mot. Vraiment, pour vous donner, la série se veut vraiment un parallèle avec la vie d'aujourd'hui. Alors, on veut vraiment nous montrer des choses que on sait pertinemment comment ça fonctionne aujourd'hui, où on est capable d'avoir une intuition de comment ça fonctionne, comme je vous parlais des hémorragies. Qu'on l'a vu dans d'autres séries médicales peut-être. Exactement, ça va bien que cette série-là fasse suite à autant de séries médicales, Dr. Grey, Dr. House, sur Oui, Dr. House, il y en a beaucoup qui vont le comparer à Dr. House, je vous expliquerai pourquoi plus loin. La drogue sûrement. Exactement, la drogue, il y en a un qui boite dedans. Puis, bon, je me suis perdu. Ben ouais, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Donc vraiment, on va vraiment vouloir faire des comparatifs avec ce qu'on sait de tous les jours aujourd'hui, avec la médecine traditionnelle maintenant, qui est quelque chose de commun. Ouais. Alors par exemple, pour empêcher les hémorragies, pour aspirer le sang, aujourd'hui on a des machines pour ça. On va aspirer à coups de 2-3 fois parce qu'on va être capable d'aller cautériser les veines assez rapidement pour empêcher que ça saigne. Là, on a quelqu'un, un médecin, dans la série et à l'époque aussi, qui faisait réellement ça, qui avait une machine qui marchait à manivelle. Et? Avec un tuyau. Alors, tout le long, sa job à lui, c'était de se promener dans l'abdomen des gens et de faire fonctionner la manivelle et y aspirer le sang. Wow. Et y en a... Au moins, il ne faisait pas à paille. Ouais, c'est ça. Et il y en a un autre qui, lui, son travail, c'était d'être à l'autre bout de la machine avec de récupérer, dans le fond, des fioles, genre des. Ben, c'est des fioles, mais ça ressemble vraiment à des pots de lait. Okay. Alors, des pots de lait comme on déposait à l'époque. Des là. Cruches. Alors, oui, c'est ça, comme des cruches. Et il échangeait. Et pour un patient, on pouvait en compter 4, 5. Alors, tu sais, un six-pack. supposons qu'on aille 1 litre par bouteille, on pouvait voir peut-être 5, 6 litres sortir d'un patient durant une chirurgie. Wow. Donc, on est vraiment au début. C'est parfait pour accompagner un petit déjeuner, finalement. À cette heure-ci. Donc, vraiment, oui, c'est une série qui se veut. Bon, OK, on va avoir cet aspect qui est gore. L'aspect qui est peut-être plus cool là-dedans, c'est parce qu'on est dans les découvertes. Alors, on assiste vraiment au début des radiographies. On assiste comment qu'on va régler ce problème avec les hémorragies. Pourquoi ça saigne autant? Pourquoi on n'est pas capable d'aller de faire une césarienne comme ça? On va tenter de guérir des choses. Bon, on va tenter de découvrir les antibiotiques, découvrir qu'est-ce qui se passe avec les antibiotiques. Pour faire suite, je pense qu'on parle du diabète aussi là-dedans. Alors, on essaie de parler du diabète aussi dans cette série-là. Je pense qu'il y a un épisode qui se consacre à ça, si je me trompe pas. On va aussi assister aux médecins qui tentent de publier dans des revues médicales. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de médecins qui vont vouloir publier dans des revues comme Nature, qui sont des revues très prestigieuses. À l'époque, c'était le début de ça aussi. On partage le savoir médical au travers du globe. On essaye de découvrir finalement pourquoi ça fonctionne pas. Découvrir bon, les bactéries, tout ça qu'on sait que ça existe, mais comment guérir ça? En même temps, on est dans un milieu très raciste. Alors, on est à New York. C'est un milieu excessivement raciste. Le marché noir, les hôpitaux vont faire du marché noir aussi au travers de ça. On va être dans un là, milieu assez sale. Tu parles pas de racisme là, quand tu dis ça. Le marché noir. Non. Okay. Non, je suis dans autre chose. J'y pensais pas. Non, mais quoi que l'esclavage, ça existe encore là, à l'époque. Là. Dans le sud des États-Unis, là, à New York, on en a peu. Mais on n'est pas loin. Ouais. Je vous parlais du docteur Edward, qui lui, je vais vous en parler tout de suite. Le docteur Edward, qui est un médecin qui est noir, très réputé en Europe, a participé à l'élaboration justement d'une machine qui travaille avec l'électricité. Alors, début de l'électricité, on travaille avec ça pour justement cautériser les veines, justement fermer ça. Lui, il a travaillé là-dessus en Europe, il a publié dans une revue prestigieuse. Son nom n'est plus à faire, il est très connu et il arrive à New York où c'est raciste, dans un milieu, dans un hôpital très raciste avec des patients très racistes. Donc, c'est probablement un des plus compétents médecins que cet hôpital-là a. Et il va se retrouver dans le fond de la cave, à côté de la fournaise, à devoir faire de la paperasse. Donc, c'est un peu ça qui va se retrouver dans ce milieu-là. Alors, c'est intéressant de suivre cette personne-là qui essaye de se faire une place au travers de ça, qui essaye de se faire une place au niveau des connaissances et de faire une place au niveau des Noirs. Parce qu'à l'époque aussi, il y avait des hôpitaux pour les Blancs et des hôpitaux pour les Noirs. Ouais. Alors, c'était très séparé et les hôpitaux pour les Noirs n'avaient pas grand-chose, manquaient de tout. Alors, où il y avait du matériel ancien. Mmh. Alors, on leur a fait les vieilles affaires quand on changeait de technologie, j'imagine, un peu. Oui, c'est ça, exactement. On leur donnait les anciens matériels pour travailler avec ça. C'est un peu comme le chalet. T'envoies ton vieux set de chambre, vieux set de salon. Oui, c'est ça. Exactement. C'est un canif pour opérer. Mais tu vas pas nécessairement là pour passer du bon temps. Ouais. Mais je me rappelle une réplique dans la série où, à un moment donné, il y a noire, justement, qui travaille dans un... Je pense que c'est une infirmière qui est dans un hôpital, et Dr. Edward parle de stérilisation. Et pas trop sûr de quoi il parle. Mm-hmm. Alors, on n'est même pas... Okay, de stériliser les ouais, outils la, avant de faire... La stérilisation, ça existe pour les Blancs. Okay. Pour les Noirs, on stérilise avec de l'eau wow. chaude. Wow. On stérilise... Ouais, c'est pas fameux. Ouais. Et bien sûr, bon, il y a beaucoup de... Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on voit beaucoup bon, de Noirs qui ont besoin d'être guéris, justement. Dr. Edward qui arrive là-dedans et qui veut changer le milieu. On a beaucoup de Noirs qui vont se retrouver, qui vont faire des travails très sales. Donc, ils ont les poumons encrassés. Vont se retrouver avec des masses qu'on veut pas traiter, qu'ils peuvent pas traiter. Donc, ils vont être guéris, mais on va pas les empêcher de travailler. En fait, on va les obliger plus à travailler suite à ça. Donc, c'est très intéressant de se retrouver dans ce milieu-là. Alors, oui, c'est une série qui est médicale, mais c'est une série qui se veut avant tout historique. Alors, je trouve que c'est très intéressant pour ça. Le taux de réussite très faible à l'époque. Alors, beaucoup de attachez-vous pas encore au personnage. Non, pas si pire, pas si pire. C'est surtout ouais, je dis ça. Mais ouais. Mais c'est ça. Dans le fond, on va beaucoup avoir des patients finalement qui vont avoir peur finalement d'aller à l'hôpital. L'hôpital, c'est pas une bonne nouvelle quand tu y vas à l'époque. Uh-huh. Quoi qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle non plus pas sûr quand non tu plus, y ouais. vas. Mais au moins t'as plus de chances d'en ressortir. Ouais. Oui, c'est ça. Le médecin t'a dit pas quand tu demandes au médecin si ça va bien marcher, il dit pas on verra. C'est quasiment ça qu'ils disent dans la série. Malgré que je me suis déjà fait répondre « Ah ben, mystère et boule de gomme. » Ah ben oui, c'est encourageant ça. Ouais, ben j'étais oui. petite, là, on m'a répondu ça. Hey, moi et mes parents. C'est comme, hein. C'était pourquoi? J'espère que c'était pas de gros chien. Non, c'était pas... L'information c'est ça. Oui, oui, c'est ça aussi. Là, non, mais c'était pas rien. Je veux dire, c'était pas comme un appendicite, là. Je veux dire... Un appendicite. J'imagine le petit appendicite. Non, t'imagines le petit lapin d'ici? Tu le vois d'ici, là, le petit lapin? Le lapin d'ici, ouais. Non, lapin d'ici. Excuse-moi. C'est Pâques, hein, qui s'en vient. Fait que, tu le vois qui s'en vient. On le voit d'ici, le lapin. Je vais le marrer. As-tu choisi sa chronique? Je sais qu'on sort du sujet, mais as-tu choisi sa chronique en fonction de ça? Diabète, Pâques. Ah, peut-être. Ouais. Les œufs. C'est quand Pâques? Je sais pas. En avril, là, quelque part. Ouais. Quand le chocolat arrête de. Quand il y a le chocolat qui tombe en spécial, c'est quelque part qui est passé, c'est ça. Tu as passé sur tourette. Ouais. Tu vois, Mathieu, j'ai des jeux de mots qui me viennent en tête, je me retiens. L'idée, c'est de ne pas se retenir à Ensemble à Druquet à date. T'as vu ce que ça donne? J'ai une réputation, là, à l'impro à garder. Ah, ben. Ah, ben. Je sais, Vincent. Donc, pour revenir là-dessus. Donc vraiment, on est à large d'or, là, on est vraiment au début de la médecine, on découvre ça. On découvre aussi un peu les vols qui vont se faire, le vol de savoir, c'est aussi le début de ça. Alors aujourd'hui, il faut savoir que j'ai des connaissances un peu en médecine, okay. Un peu dans le domaine des laboratoires, tout ça. J'ai un diplôme dans le milieu médical. Okay. Alors oui, je peux te faire une chirurgie maintenant. Non, je suis plus avec les animaux. Je vais me trouver un problème, puis on verra. Moi, c'était plus avec les animaux, par contre, alors pour parler un peu de on traite de bête souvent, là. Comme mais oui, dans les mais oui, c'est ça. Donc, le vol de savoir, c'est quelque chose qui n'est pas récent. Encore aujourd'hui, ça se fait énormément dans les laboratoires. Il y a des gens qui sont complètement... comment qu'on dit, paranoïaque par rapport à ça. Je connais, on m'a déjà raconté des histoires sur des scientifiques, des gens qui faisaient des études en laboratoire et qui faisaient ça uniquement chez eux. Que la cave était barrée à clé, les enfants n'y avaient pas accès, il n'y avait aucun papier qui sortait de là, et il y avait même un registre pour dire des papiers qui sortaient, puis c'est eux-mêmes là qui, donc c'est eux-mêmes qui remplissent le registre, c'est eux-mêmes qui vérifient le registre, donc je sais pas si vous comprenez un peu cette paranoïa-là qui a évolué autour du vol de savoir. Parce que ça commençait un peu à cette époque-là. Alors, quelqu'un qui découvre quelque chose en médecine, on découvre, OK, au niveau des cellules, il y a peut-être un noyau. Peut-être que ce noyau-là contient l'ADN. C'est peut-être quelque chose qui va révolutionner la médecine. Oh, on entend parler de ça. L'autre n'est pas sûr. Bon, on va voler un peu sa recherche pour essayer d'aller plus vite que lui puis de découvrir, bon, qu'est-ce qui se passe avec ça. Entre autres, on va parler pourquoi il y a des transfusions sanguines qui se font bien et d'autres qui se font mal. Les groupes sanguins n'existent pas à l'époque. Okay. Donc, ben, ils existaient, mais ils ne connaissaient pas, j'imagine. Exactement. On ne sait pas. En fait, il n'y a pas de mot qui est mis dessus. Mm-hmm. On sait que des fois, le sang coagule et des fois, le sang ne coagule pas. Alors, quand on fait une transfusion sanguine, on n'est pas capable de l'expliquer. Et c'est l'autre bord du globe. Alors, c'est un juif allemand. Oh, ça, je suis pas assez sûr. Je sais que c'est un juif, mais je sais plus de quelle origine. C'est bon. Qui est en train d'essayer de... C'est ça, qui découvre ça, qui tente de découvrir ça. Et bon, on va parler du vol de savoir autour de cet épisode-là, entre autres, là, qui est très intéressant, justement. Quand je vous disais, nous, on a conscience des groupes sanguins, quand je vous disais que la série veut nous montrer quelque chose, qu'on ait conscience, qu'on sait comment ça fonctionne et qu'on les voit boiter pour essayer de trouver comment ça fonctionne, justement, c'est un peu un bon exemple. Là. Alors, quand on parle des groupes sanguins, on sait pas mal tout. Ben ça, les groupes sanguins, ne pas confondre avec les groupes sanguins, c'est les clubs des gens qui perdent tout le temps au casino. Là. C'est les groupes sanguins. T'sais. Ouais, les groupes sanguins. Ils n'ont pas de gains. Ah, j'ai trouvé bonne celle-là aussi. Je pensais que tu avais parlé de Marie-Lise Pilote. Jamais je parlerais de Marie-Lise Pilote. Je la trouve tellement pas drôle. Ouais. Ah, elle nous écoute à tous les jours. Ah, excuse-moi. Je ne comprenais pas pour Marie-Lise Pilote. Je l'expliquerai tout à l'heure. C'est le groupe sanguin. Ouais, le groupe sanguin. Ah, le groupe sanguin. Ben oui, mais oui. C'est le groupe sanguin. Ouais. C'était aussi un jeu de mots, mais moins hot que groupe sanguin, je trouve. Ouais, mais c'est pas vraiment un jeu de mots, c'est juste leur nom, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est leur jeu de mots, en fait, c'est pas le mien. T'as raison. C'est vrai. Bon point. Voilà. Ouais. Tu vois, Steph a toujours fait ça. Toujours. Ok, oui. À date, c'est pas mal ça. Donc, je vous parlais vraiment de ça. Bon, j'ai vraiment fait le tour pour vous montrer à peu près l'idée de la série, de qu'est-ce qui est quelque chose de très historique. Bon, on parle de la médecine, on parle de ce milieu-là. Et ça explique beaucoup de choses aujourd'hui. Pour quelqu'un qui, des gens de l'UQTR, qui étudie dans le milieu de la médecine en ce moment, je trouve que c'est une série qui est très intéressante. Je suis le premier à dire que pour comprendre qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est fait avant. Ben oui. Donc, pourquoi on fait ça maintenant de cette manière-là? Ben, c'est parce qu'avant, il y en a eu des infections. Pourquoi, j'ai pas d'autres exemples. En tout cas, c'était C'était un bon exemple, effectivement. C'était un bon exemple. Parfait, on va rester avec pas ça. Besoin d'en chercher d'autres. Répète celui-là à la place. Donc, vraiment, c'est vraiment intéressant de voir d'où ça vient pour comprendre, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, la stérilisation, comment ça se fait, pourquoi on a évolué, pourquoi on a différents types de stérilisation aujourd'hui. Peut-être ça parle moins, mais il y a différents types de stérilisation. On va pas stériliser juste à chaud, mais stériliser à froid, ça existe aussi. À l'époque, on va beaucoup stériliser à froid, mais on a évolué à ce niveau-là. On va comparer beaucoup à Dr. House. What? Sur les forums. Quand j'ai promené, c'est surtout que le Dr. Thackeray est comparé à Dr. House. Alors, un personnage un peu dans le je m'en foutis, qui est la réplique facile, qui est tellement hot dans l'hôpital. C'est ça. Il est bon, il est détestable, mais il est bon. C'est ça, il est très bon, tout. Mais c'est là que il est pas détestable comme Dr. House. Okay. C'est un personnage auquel on s'attache. C'est la différence avec Dr. House, c'est que Dr. House, c'est un personnage qui est très hot, qui a la réplique facile et qui sait que l'hôpital va tomber sans lui. Alors, il se permet un peu toutes les folies, et c'est pour ça qu'on aimait Dr. House, parce que c'était un personnage qui était détestable et qui se permettait toutes les folies. Ouais. Je pense qu'il y en a un dans chaque série médicale. C'est vrai. Ouais, c'est... Ah ouais, Dr. Grey? Ah ben, je sais pas, je l'ai pas vu. Ah, c'est ça. Je l'ai pas écouté. Mais moi, je pensais à Trauma avec James Hyndman, qui était alcoolique et vraiment détestable. Ah! Mais c'est un bon médecin. Es-tu drôle? Il est drôle. Ouais, parce que Dr. House, il est drôle. Dr. House, mais hein, c'est un héros. Là. Mais Docteur drôle, je sais pas, je l'ai pas écouté. C'est un Dr. Dreamy dans Grey's Anatomy. Non, je connais Dr. Doolittle puis Dr. Pepper. Dr. Doogie aussi. Oh, on change. Ouais, Dr. Doogie. T'as Dr. Pendragon, les mardis soirs à réanimation aussi. Beaucoup de docteurs. Beaucoup de docteurs. Plusieurs qui portent le nom sans nécessairement avoir fait. Sans la licence. C'est ça. C'est ça. donc, qu'est-ce que je disais? Oui, alors Dr. Thackeray. Oui, Dr. Thackeray, je pense qu'il est au bar l'été avec son petit Thackeray. On le compare beaucoup à Dr. House. Ouais. Dr. House, ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui est assez détestable, à cause qu'il peut tout se permettre. Dr. Thackeray, c'est quelqu'un qui est obsédé. Alors, c'est pas la même chose. C'est quelqu'un qui est vraiment obsédé par une chose, c'est de faire la découverte. Il est obsédé par ça, il veut y arriver par tous les moyens. Si quelqu'un arrive avec le moyen pour l'aider, pour le pousser, il va être très content, il va quasiment l'idolâtrer. Mais une minute après, il va se l'approprier et il va travailler avec pour essayer de pousser plus loin. Donc, c'est un peu la grosse différence avec Dr. Thackeray. Dr. Thackeray qui a un sens, tant qu'à moi, beaucoup plus humain. Dr. House a un côté empathique qu'il cache. Dr. Thackeray a un côté empathique qu'il développe. Ok. Mm-hmm. On est dans les subtilités aujourd'hui. Quand même. Moi, je verrais une parodie de Dr. House où ce serait genre Dr. House, grognon de jour, DJ de house le soir. Wiki, wiki, wiki, wiki, wiki. Dr. House, il ferait comme... Une série, sans doute, là-dessus. Non. T'as l'air de vivre des beaux moments, des fois. Tout seul, dans sa tête. Ouais, ça. Oui. Donc, Dr. House, je mets ça de côté. Alors, donc, c'est pour ça, tant qu'à moi, que ça se compare pas à Dr. House en tant que tel. Bon, ça, j'en ai parlé. Alors... Le réalisateur Soderbergh, que je vous ai parlé tantôt, a contacté justement notre Clive Owen pour faire Tuckery après avoir écrit et non fait, vraiment écrit, le premier épisode. Okay. Il l'a contacté et il était tellement convaincu qu'il a accepté. Ah, ouais. Je trouvais que c'était quand même un bon argument pour écouter la série. C'est vrai. Donc, il était vraiment tellement convaincu, il a accepté sur le coup et Soderbergh a décidé de ne pas, normalement, elle aurait été produite sur la chaîne spécialisée de HBO. Okay. Mais Soderbergh a demandé à être diffusé sur Cinemax. Okay. Parce qu'il a dit une réplique que je trouve très drôle, mais en même temps, c'est un peu... je me la pète. Mais je trouvais ça quand même drôle. Soderbergh a dit au diffuseur HBO, « J'aime mieux être diffusé sur un diffuseur plus petit que les gens connaissent moins, mais être premier de classe que me retrouver avec HBO, avec Game un diffuseur que tout le monde connaît. Ah, et ouais. Avec Game of Thrones et tout ça. » En même temps, il aurait pu amener ça plus, tu sais, genre, ce serait le fun de le mettre sur une petite chaîne parce que ma série est tellement bonne que ça va vous faire connaître cette chaîne-là encore plus. C'est Cinemax, c'est quand même connu, Un peu ça qui arrive aussi avec Cinemax. Il y a des bonnes cotes d'écoute au niveau des États-Unis. Au Québec, c'est pas encore arrivé, non, cette série-là. Alors, ça devrait arriver sous peu en France, je crois qu'elle est diffusée en ce moment. Okay. Elle a pas de titre en français encore, donc c'est ça. Non, c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle The Nick. Ouais. Alors, ils ont raccourci. Je pense qu'ils voulaient pas appeler ça de Knickerbocker. Knickerbocker. Ça aurait été compliqué comme série. Personne en aurait parlé. On fait une minute, motherfucker. Donc, vraiment, c'est la série. Vous, des questions, des commentaires? Ben, moi, c'est sûr que ta note m'intéresse beaucoup. mais avant ça, j'avoue que les séries médicales, c'est pas quelque chose qui m'attire d'habitude. De la façon que t'en parles, la façon que c'est différent des autres séries médicales, parce que toutes les séries médicales en ce moment en ondes aux États-Unis sont pas mal similaires. On en a beaucoup qu'on fait demain de cette façon-là. Il y avait des gens qui voulaient que je parle de Docteur, de Nurse. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'est une série qui se veut en fait une. Bon, je l'ai pas écouté, fait que je vais parler à travers mon chapeau, mais j'ai écouté les deux, ben, tu sais, les deux premiers épisodes, puis j'ai l'impression que c'est une pâle copie de Dexter. Okay. Mais pour donner une idée là, mais je parle à travers mon chapeau, j'ai écouté les deux premiers là. Okay. Fait que j'ai l'impression qu'on tourne autour du pot aux États-Unis. Ben vraiment, tu sais, là, il y a The Night Shift en ce moment qui a l'air d'être comme un petit peu une version comme romantique de salle d'urgence. Dr. Grey est encore en onde. Il y en a trop de ça. Ils ont fait des un peu comme les Star Trek faisaient là, avec Dr. Grey. Alors on a Bon, le nom m'échappe, mais on a une autre série qui se veut un parallèle. On a des docteurs qui quittent Dr. Grey. Ouais, Private Practice. Oui, c'est ça, exactement. C'est fini. Ah, c'est plus bon. En nom. Je me rappelle bien. Bon, c'est correct. Mais bref, aussi. Ça faisait quand même deux séries similaires. On s'entend. Oui, c'est ça. C'est la même chose, même. C'est juste qu'on avait une plus petite clinique. C'était pas mal tout. Donc, c'est ça, oui. Mais ça, c'est une série qui se veut vraiment, à la base, plus historique. C'est original, quand même, je trouve ça cool. Oui, c'est ça. Je trouve ça m'allume vraiment beaucoup. Quand même, oui. Oh, oui, je trouve ça super intéressant. Tout ce qui est historique, qui va m'apporter quelque chose de positif avec de positif, de réaliste. Là, moi, je vais pas me faire boucheter, honnêtement. Ouais. J'ai vraiment fait les recherches pour voir s'il y avait des anachronismes au travers de la série. J'ai regardé sur des critiques un peu plus spécialisées pour savoir si. Dans le domaine médical. Il y en avait détecté. J'en ai pas trouvé. Il y en a peut-être, mais j'en ai pas trouvé. J'ai pas poussé la recherche plus loin. J'ai regardé au niveau des radiographies, entre autres. Parce que je me suis dit, oh, radiographie, les antibiotiques, on est au balbutiement de cette pratique-là. Ça me semble, mais non, c'est logique. Ça fonctionnait. C'est intéressant par rapport à la véracité médicale. C'est dans Scrubs, Steph, ça pourrait t'intéresser. J'avais lu un fait que dans Scrubs, pendant les intros, le générique de toutes les saisons jusqu'à un certain moment, ils l'ont réalisé, la radiographie qui est sur le logo, sous le logo, est à l'envers. Oui. Genre, si tu veux ça? Non, mais tu l'avais déjà dit. Tu l'avais déjà dit, mais c'est vraiment intéressant. En tout cas, J'ai déjà vu ça aussi, je trouvais. J'ai déjà lu ça, puis je trouvais ça drôle, mais ça allait bien avec la série avec la en série. Même temps. C'est parce ça. Que si on se rappelle bien, c'est. Voyons, la blonde, celle sur qui JD aime beaucoup. Ouais, à un moment donné, elle vient et elle arrive de bord à l'intro. C'est elle qui met la radio. Ouais. Fait que ça se prête bien à ce qu'elle soit à l'envers. Là. Il aurait juste dû dire c'était voulu puis continuer comme ben, ça. C'est ça. En changeant de bord, ça fait comme si c'était une erreur. Ah, bref, est-ce que tu as dit ta note? Non, pas encore. Non, j'ai pas donné mon avis personnel, même si ça paraît toujours. Ouais, on a compris un peu, là, mais bon. C'est ça. Ben, je trouverais ça dur. Honnêtement, je trouverais ça dur de parler d'une série comme ça que j'ai pas aimé. Ouais. Ça serait compliqué là, de partir, tu sais. Puis on le sentirait aussi. Point positif, c'est historique. C'est une série médicale qui est plutôt originale en tant que telle. Je parlais des anachronismes, il y en a pas vraiment qui sont flagrants. Les costumes, les décors sont magnifiques. Sont vraiment beaux. Les costumes sont vraiment beaux. C'est des costumes. Je sais que mon père me dit pendant qu'il écoutait cette série-là que lui, il trouvait que ces costumes-là étaient très beaux. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est des costumes qui sont. On est vraiment dans des beaux costumes comme il se fait plus. Alors avec la petite montre de poche, avec la petite chaînette, le petit chapeau haute forme. Moi je trouve ça beau. les décors aussi sont très bien faits, très bien reproduits. Le New York d'antan. On parle de. C'est le début de la voiture aussi qu'on va en parler un peu, mais tu sais, c'est pas tout le monde, même les médecins, ont pas l'argent pour s'acheter une voiture, même que ça vaut pas la peine. On se promène plus en charrette encore. Ben, en charrette, en calèche. C'est ça. Mm-hmm. Ouais. OK. Le style artistique, alors les filtres qu'on va mettre, la couleur qu'on va avoir choisie dedans, je trouve que le style artistique est très bien choisi aussi. Ça se veut vieillot, mais c'est pas malaisant. Il y a du gore. Mais c'est pas malaisant. On veut pas nous mettre dans un malaise dedans. Même si vous allez commencer le premier épisode, vous allez me dire, ouais, on veut pas mettre de malaise, fiez-vous pas. Ben oui, fiez-vous-y. Mais en même temps, le premier épisode se veut quelque chose qui punch c'est et qui attire. C'est fait pour t'attirer, c'est ça. Ouais. C'est fait pour vraiment te teaser direct en partant et te garder jusqu'à la suite. Et ça marche très bien, selon moi. Ils ont très bien fait de commencer comme ça. Je trouve tellement ça. Je suis en train de commencer une série. Justement que c'est lent, on essaie d'installer les choses. Droit au but. C'est ça, ouais. Drill le début, ouais. Drillez-nous avec quelque chose, on n'a pas besoin de savoir tout de suite qui sont tous les personnages. Ouais. Et on va parler de différents sujets. Alors oui, on est dans un hôpital, mais on va parler de racisme, on va parler de prostitution, on va parler de marché noir, du marché avec la mafia, on va parler de l'automobile aussi dans cette série-là. Ça va avec l'époque, en ayant l'époque, là, t'as un contexte pour plein de oui, c'est sujets. Ça. On va parler aussi des femmes, alors de la place des femmes dans le milieu médical dedans. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a, même si on est à New York, on a un personnage que j'aime beaucoup, dont j'ai pas noté le nom. Est-ce que je peux t'aider là-dessus? Peut-être. C'est la fille. Attends une minute, je vais te la pointer. Et Kim, bonne chance avec ce qu'il y a devant l'écran. Elle? Oui. Juliet Rylance, le rôle de Cornelia Robertson. Qui est un personnage de femme forte, alors qui va contrôler un peu l'hôpital, et je trouve ça très intéressant. Ça, je trouve qu'on en manque peut-être un peu justement dans les séries médicales, des femmes fortes. Mm-hmm. Alors des femmes qui ont quoi à dire et qui ont leur vision. Je trouve ça très intéressant de l'avoir mis, surtout que le défi était quand même gros. On est en 1900. Là. Ouais. point négatif. Bon, c'est toujours... je sais que j'y vais toujours selon un peu personnel. Fait que là, j'ai essayé d'élargir pour au niveau des points négatifs. Faut aimer le côté historique. Si vous aimez pas les séries historiques, vous allez trouver ça long. En même temps, mais on cherche son iPhone, c'est pas grave. Là, ouais, ben c'est ça. En même temps, je trouve ça. Tu sais, si vous êtes plus amateur de science-fiction, là, on veut vraiment être dans l'historique pur et simple. Là. Mais bon, je trouve ça un point négatif qui est vraiment gratté. Là. Ouais, vraiment. Il faut vraiment gratter le bobo pour essayer de le trouver. Même chose pour l'autre. Si vous êtes un peu tanné des séries médicales, mais en même temps, la série médicale, c'est pas... on va plus loin que ça. C'est très original. Je trouverais ça plate si quelqu'un me dit « Ah, je suis tanné des séries médicales qui ne l'écoutent pas. » Je dirais « Écoute-la quand même. » On peut perdre... j'ai fait comme la semaine passée, j'ai correction automatique. Mais on peut perdre un peu le fil des événements des fois. Ça, c'est, ça suit d'épisode en épisode. Les épisodes se suivent, oui. Mais on a beaucoup de personnages à suivre. Au début, on nous présente ça comme c'est deux docteurs. En fait, la série se veut que deux docteurs soient au centre. Alors, Dr. Edward et Dr. Thackeray. Mais on a d'autres personnages qui vont rentrer en contexte et qui vont avoir leur propre histoire aussi de leur côté, qui va pas nécessairement se mélanger ou qui va se mélanger des fois trop subtilement. Et des fois, on peut... Moi, je l'ai écouté d'un trait. Et j'ai tout compris, j'ai pas perdu le fil, ça a bien été. C'est sûrement mieux comme ça. Je pense qu'on est rendu là dans la vie, c'est d'écouter tout d'une shot. J'ai l'impression que cette série-là est très dangereuse de l'écouter petit à petit. Est-ce que t'es en train de dire que c'est un peu genre, comment dire, vraiment accrocheur, que c'était rendu accro un petit peu comme de nicotine? Ouais. Oh. J'essaie de placer de nicotine dans The Nick depuis comme un bout de temps. Ah, pas vrai, parce qu'il passe depuis le début. Non, mais je savais que je voulais le plugger à un moment donné où c'était opportun. Puis là, plug je trouvais que c'était le moment opportun, tu sais. Plug là, mais dis pas que tu y as pensé. Dis pas que c'est drôle. Tu sais que fait que c'est drôle. Ah, mais il fait tout le temps ça. C'est ma mère de commerce. C'est le contexte. Autre point négatif, un peu. Attendez, j'essaie de me comprendre. C'est drôle. Parlez-toi ah, oui, oui, oui, oui. C'est, on parlait de différents sujets. On parle du milieu médical, on parle de la psychologie aussi dedans. Okay. Alors, le début de la psychiatrie. Alors, je l'ai mis dans un point négatif parce qu'on en parle vraiment un peu, mais peut-être que dans la saison 2, on va en parler plus. En fait, j'ai l'impression que dans la saison 2, on va en parler plus. Donc, je l'ai mis là. On a une porte qui est ouverte. Est-ce qu'elle va se fermer? Est-ce qu'elle va rester ouverte? On attend de ça. C'est ça. J'espère qu'elle va rester ouverte. Donc, c'est un point négatif qui est en devenir si la porte se ferme et qu'on n'en parle pas. Des menaces. Oui, c'est ça. donc, c'est ça pour mes points positifs. Mes points négatifs. Juste pour je voulais marquer on perd un peu le fil. J'ai marqué on perd un peu le film. Le film, ben on oui. On perd un ça. Peu le film. Hey, peut-être un jour le film, mais là, calme-toi, ouais. Il commence avec une oui. saison puis une deuxième. Donc, pour la note finale. Oui. La note finale qui va être improvisée. OK. Parce que j'ai oublié de l'écrire. Est-ce que ça va avoir rapport avec ton élastique brisé sur la table que tu avais? Oui, c'est ça. Moi, j'ai besoin de jouer avec quelque chose. Ouais, j'avais pensé pour vous donner une idée, les grandes tables. Avec un drap blanc dessus et sur lequel on a de la vaisselle brillante. Alors, tu sais, la vaisselle en stainless, oui. Très, très brillante. Okay. Alors, mais dans une petite maison, dans une maison sombre. Petite maison sombre, ouais. Nappe, puis vaisselle de stainless. Fait que, okay. En fait, c'est plus un décor. Ma note aujourd'hui, c'est pas un objet, c'est même, je me trahis un peu, c'est plus un décor, c'est une ambiance. Un état d'âme. Imaginez, c'est un état, oui, c'est ça. Fait que mes objets, ça serait un peu la table, finalement. Une table bien décorée, je veux dire ça comme ça. Okay. Une table bien décorée dans une salle sombre. C'est comme une note avec une virgule 5, tu sais, c'est comme c'est le principal, c'est la table, virgule la vaisselle de stainless. Exactement. Moins exactement. Important, je comprends. Fait que ma note, c'est ça. Alors, c'est très propre, c'est très beau, c'est très alléchant, mais on est dans un milieu sombre. Sombre, glauque. Pour Denick. Alors, c'est voilà. Plus pour vous donner une sensation. Que, oh, des sensations. Ouh, génial. Ouh, c'est texturé. C'est texturé pour son plaisir. Donc, Denick sur Cinemax dans Crackpot oui, TV. Exactement. Puis on se quitte avec la chanson thème de cette oui, et vous émission. Allez sentir qu'il y a un petit côté de techno dans la chanson thème et okay. ça représente quand même bien l'univers que... En fait, ce que l'auteur, l'écriture de l'auteur plus. Ouais. C'est pas Dr. House là, qui remix ça dans son... Non, dans son, c'est pas dans DJ son House. Spin-off où il est DJ de House Music. C'est Cliff Martinez, la chanson Son of Placenta Previa. Thank you. C'était Cliff Martinez et Son of Placenta Previa sur la trame sonore The Nick sur Cinemax dans la chronique Crackpot TV. On retrouve Frédéric Bernard mercredi prochain à 8h30. Mais pour l'instant, on prend une pause et au retour, quelques petits gadgets dans 5 ou 7 de répondre la deuxième partie. Je reste là. Diversité. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. C'est toujours à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Il est 9h19 en ce mercredi matin, 11 mars. Stéphanie Parazier là. Mathieu Plante, toujours là. Tout à fait. On a le temps pour une dernière petite chronique d'une dizaine de minutes environ. Et on va s'acheter des choses encore une fois. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, on va sur Internet, on s'achète des choses qu'on devrait pas nécessairement s'acheter, mais tu sais, on trouve des façons de justifier ça. Ben, toujours. C'est toujours pour les impôts, là, c'est pour... ça se justifie bien, ça. Ouais, ouais. C'est une dépense et très utile. Donc, commençons avec des bouteilles qui s'appellent Oak Bottle, et ça, ça donne à votre alcool de la saveur. La saveur un peu comme dans un baril. Ah! Ouais. Donc, c'est... Et là, tu parles pas de Jean-François? Barry, je vois ça Barry. Cabochon, t'as ton alcool, elle traite de cabochon tout le temps. Donc, les spiritueux et même les vins ben, vieillissent dans des bouteilles. Pas des bouteilles, des contenants, des. Des barils. Des barils, comme on vient tout juste de le dire. Des tonneaux, oui. Des tonneaux, exactement. Donc, pour leur donner un petit peu plus de saveur. Donc, il y a même des bâtons de bois spéciaux qu'on peut mettre dans son alcool pour lui donner de la saveur. Et bien, la Oak Bottle utilise le même processus, sauf qu'à la place de mettre juste du bois dans ton alcool, on t'invite à mettre ton alcool dans la bouteille qui est faite du même bois. Donc, après l'avoir rempli d'eau pendant 24 heures pour pouvoir la faire enfler et pour sceller les fuites potentielles, nous dit-on. Donc, on va simplement placer le vin ou les spiritueux à l'intérieur et attendre entre 24 et 48 heures pour savourer le résultat. Chaque bouteille est bonne pour 50 utilisations. Ça vient avec différentes saveurs, dont l'érable, la vanille, le café. 90$ pour une bouteille, 120$ pour deux. Donc, on parle de 152 ou encore 114$ canadiens. Wow, c'est vraiment cher. Pour 50 utilisations, pour c'est probablement, cher. En plus, une subtilité de goût ouais. Que, je te dirais, le trois quarts des gens ne vont même pas déceler. C'est pour les langues sensibles, je pense. Ouais. Le prochain, c'est pour toi, Steph. À chaque fois que que je parle de banane, t'es toujours... impressionné, moustillé, titillé, etc. Donc, c'est du papier peint, donc de la tapisserie, finalement, qui est scratch and sniff à senteur de banane. Non! Donc, c'est Flavor Paper et Michael Angelo, pardon, de chez Wonderland Beauty Powder, qui ont créé quelque chose d'assez amusant. C'est du papier peint scratch and sniff qui sent les bananes. Il y a aussi une version aux cerises, avec les cerises, comme sur les images sur assemblagerequis.com. C'est tout à fait particulier. Je sais pas qui aurait envie d'une tapisserie qu'on peut gratter pour sentir. Mais quand même, ça existe, ça devrait pas. On l'a, c'est le but de la chronique. Ouf. Ensuite, on va à la cuisine un petit peu pour quelque chose que d'habitude, c'est le genre de gadget que je sauterais facilement par-dessus parce que bon, tout le monde doit connaître ça. Moi, j'avais pas encore vu ça puis ça m'a impressionné. Je voulais le partager un peu. Donc, c'est des outils, le creuset, Revolution Biomaterial. Tu sais, tu connais les spatules en plastique, ça va tout le temps s'effriter sur le bout. Tu vas tout le temps avoir des morceaux de plastique dans ta bouche, c'est dégueulasse. Celles en métal vont graffiner tes poils. Uh-huh. Puis celles en silicone sont trop molles, puis t'as de la misère à pogner quelque chose dans le fond de ta poêle. Il y a tous les désavantages à chaque. Il n'y a pas de spatule pour décoller, là, pour retourner des crêpes, par exemple. Ben, T'en as recouverte en silicone, mais ça plie pas parce qu'il y a d'autres choses en dedans. Moi, celle que j'ai utilisée, il était pas mal trop molle pour moi, mais j'avoue que c'était peut-être pas techniquement une spatule, mais je m'en servais comme spatule. Parce que faut pas que tu mélanges langue de chat et spatule. Je pense que c'était plus une langue de chat, probablement. Ah, c'est ça, là, tu peux pas retourner une crêpe avec c'est ça. C'est pour aller dans les pots, les fins de pot, etc. Ouais, c'est ça. Bref, peu importe, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que là, on fusionne les deux ensemble, mais deux des trois que je viens de mentionner. C'est des ustensiles de cuisine flexibles avec des bouts en silicone, mais le reste est complètement en plastique normal. Donc, t'as juste le bout qui est en silicone, le bout de la louche, le bout de la spatule. Non, la spatule est au complet en silicone avec le bout en plastique. Ah, le contraire, OK. C'est l'inverse pour pouvoir gratter, par exemple, peut-être dans le fond de ta poire. Oui, exact, OK, je comprends ce que tu veux dire. Pour pas que ça plie, ouais. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Oui, c'est ça, c'est que le rouge est la partie flexible en silicone, et le noir est le bout en plastique. Et c'est drôle parce que tu vois vraiment que la spatule a son devant en silicone. Et il y a juste une fine lisière sur le coin de la spatule par un processus que j'imagine est super évident pour ceux qui connaissent ces affaires-là. Mais je me dis qu'il y a du plastique qui a de flotter dans les airs avec ta silicone, c'est quelque chose. Bref, c'est parfait pour pas mal tout le monde. L'ustensile fait de nylon renforcé de vitre, glass reinforced nylon, rigide pour être vraiment solide. Et t'as une poignée elliptique pour être confortable. C'est disponible en louche, en cuillère avec des fentes, en cuillère à sauter et en truc spatule avec des fentes à l'intérieur. Il y a une petite vidéo de tout ça en action. Peut-être que c'est super connu, mais moi j'avais jamais vu ça. C'est cool, je trouve. Ouais, non, c'est très cool, effectivement. Cool. Et ça doit être cher, c'est le Creuset. Oui, c'est ça, le Creuset, toujours une compagnie de sophistiqués, là. Ensuite, c'est un moniteur pour bébé intelligent. Assurez-vous que votre enfant est en sécurité quand ils ne sont pas dans votre champ de vision, en connaissant chacun de leurs mouvements avec le Smart Baby Monitor. C'est fait pour les parents technologiques. Ça va envoyer la position de votre bébé, les sons qu'il fait, un peu comme les appareils déjà qu'on a pour le son, mais dans un téléphone, et leur respiration. Tout ça via votre téléphone intelligent. Vous allez voir une petite wave de son, comme on l'appelle en audio, mais le visuel du son en temps réel sur l'application. Ça vaut 200$. Le Smart Baby Monitor, 250$ canadiens environ. Quand même cool. Ben, je sais pas, là, ça va sur son vêtement? Ça a l'air d'être le vêtement en tant que tel, mais je sais pas, j'avoue. On va aller voir les détails. Fait que ça te fait 3 mois, genre? On va aller voir ça. Fabriqué aux États-Unis, 100% coton organique. Oui, c'est en effet le vêtement. C'est le vêtement complet. Pour 200$, un morceau de linge qui va te faire 3 mois. Mais l'application est gratuite. Ouais, j'avoue. Mais de toute façon, à cet âge-là, si c'est pas quand il dort, t'es supposé de l'avoir dans ton champ de vision. Là. Ouais. Ça dit que c'est disponible en modèle de 0 à 3 mois, un modèle de 3 à 6 et un modèle de 6 à 12 mois. Donc, il fallait t'acheter techniquement 3 modèles, donc 600$. Mais l'application est gratuite. Ouais. Le MIMO, ça s'appelle MIMO, Smart Baby Monitor. Voilà. Ensuite. Allons-y avec, tiens, on passe de l'enfant au chien, pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui doivent donner de l'amour un peu. Donc, c'est un séchoir à chien. Une fois que tu donnes un bain à ton chien, le chien, il va se secouer un petit peu, mais c'est pas assez. Une fois que c'est fait, on le met à l'intérieur de ce sac-là, qui est le... Il marque jamais le vrai nom du produit, faut tout le temps j'aille sur la page du produit. C'est le Puff and Fluff, voilà. Puff and Fluff. Yeah. Ça aurait peut-être été mieux sans le nom du produit. Vraiment, le Dog Dryer, c'était bien en masse. Donc, ça va rapidement sécher votre ami sans faire un gros dégât. Idéal pour après les douches et après les promenades dans le parc où il est peut-être mouillé. Donc, 45$ américains environ. C'est disponible en petit, extra petit et moyen, médium. Et ça va réduire les odeurs de chiens mouillés après les jours de pluie. Ça va parfait entre 17 et 21 pouces. Ça dit pas pouces de quelle circonférence de vente, probablement, j'imagine. Et ça va sécher votre chien très, très rapidement. C'est disponible pour les... ça dit que c'est parfait pour les petits chiens comme les Spaniels, les Pointers, les Chow et les Bulldogs. Eh ben. Méchant cossin. Méchant patin, méchant patagasse. Ensuite, on revient un petit peu à la cuisine. On a parlé tantôt de silicone. C'est une tasse, OK, de titane, mais avec un bout pour vos lèvres qui est en silicone. Ah, intéressant. C'est le Snow Peak Hot Lips Titanium Mug, donc une tasse de métal qui est parfait pour garder au chaud. Une tasse de métal, le café reste chaud plus longtemps. Par contre, ça peut être dommage pour évidemment le dommage que ça pourrait causer à vos lèvres quand vous buvez un breuvage très très chaud. Donc c'est Snow Peak qui nous envoie cette tasse-là. C'est tous les avantages d'une tasse de titane, dont le poids très très léger de seulement 3 onces. Ça, c'est 85 grammes. C'est super durable. Il y a un sommet en plastique pour vos lèvres. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Il y a une poignée pliable pour vraiment bien s'agripper à la tasse. Et la tasse elle-même peut être placée sur un rond ou sur une flamme ouverte pour faire chauffer quelque chose, une flamme libre, mettons. Et tu peux faire chauffer ton affaire et puis tes lèvres vont quand même être chaudes avec le silicone. Ouais, mais... Il faut enlever le hot lips avant de faire chauffer. Ouais. Le bout de silicone. Ouais. Tu disais? Pourquoi? Parce que ça va fondre, je pense. Silicone, ça fond pas, ça va à 450. C'est peut-être pas techniquement du silicone. Ben, si tu écris silicone... Ben... C'est, non. Donc, c'est pas du silicone, ouais, c'est pas pareil. C'est peut-être moi qui ai un petit peu ambitionné là-dessus. Ça le dit pas vraiment, attends un peu. Parce que silicone, t'aurais pas besoin de l'enlever, non, en théorie. T'as raison. Ça le dit pas du tout. Mais ça, tu dis, le plastique, dans le fond, c'est pas que tu te brûles, parce que la tasse, ouais, est en métal. C'est ça. Puis la poignée est en métal. Ça doit pas être le... Je suis pas très fort dans tout ce qui est matériaux, là. Je sais pas si c'est peut-être une autre sorte, de genre de quelque chose d'autre, là. Oui, ça doit transmettre la chaleur quand même. Je sais pas. Quoi, de toute façon, la poignée est lettre, il aurait pas fait en plastique comme les lèvres, comme ça t'aurais été sûr de pas te brûler les doigts. De la même couleur en plus, parce que le petit truc de hot lips, parce que ça dit seulement c'est un hot lips, le truc pour la bouche, là, c'est pas marqué en un matériau là, que je vois ici. Donc ça aurait pu être la même couleur et t'aurais pu agencer non. Les deux. Mais non, mais je sais pas si. Il aurait pu pousser plus loin. Il aurait pu. Il y a un certain manque là-dedans, il y a un manque de connaissances de ma part aussi. Ensuite, c'est une planche. Un peu une planche comme de surf, mais pour mettre devant votre bureau, ça va être le dernier. Pour mettre devant votre bureau pour pouvoir vous équilibrer, pour rétablir votre centre d'équilibre. Donc c'est le Level, voilà. Donc le Fluid Stance Level, une nouvelle campagne qui ramasse d'argent sur Indiegogo. C'est une planche de surf pour les gens qui utilisent un bureau debout. Donc le Level va résoudre le problème de se tenir debout au même endroit en vous donnant un deck. Une place sur laquelle vous pouvez vous mettre et vous équilibrer position. Donc le Level est fait de bois et d'aluminium. Vous pouvez précommander le Fluid Stance Level pour 289$ américains ou 367$ canadiens via leur page Indiegogo. Ça devrait être envoyé en mai. Le projet qui est présentement, on va aller voir si c'est rendu à combien. Pour savoir, ça a l'air assez populaire quand même. Un objectif de 40 000$ sont rendus à presque 300 000$. Wow! Donc c'est fait pour vous mettre en mouvement quand vous travaillez debout. Pour vraiment bouger un petit peu pendant que vous travaillez. Bizarre. C'est cool. La petite vidéo vous montre de quoi ça en retourne sur assemblagerequis.com. Voilà. C'est tout pour un autre blog de Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Plein de choses à acheter, là. Plein de choses à acheter, plein d'affaires qu'on se dit jamais j'achèterai ça en 100 ans. Personne ne devrait acheter ça. Mais bon. J'ai trouvé quand même cool. Les liens sur assemblagerequis.com, encore une fois. Mais pour l'instant, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Oh. C'est triste, mais ça doit arriver éventuellement. Mais on va être de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Demain, nous serons jeudi. Et les jeudis à l'émission, Stéphanie, on va avoir... Laurent Constantin, je peux arrêter de l'annoncer éventuellement, là, mais il est supposé venir une fois de temps en temps, qu'il m'a dit. Ensuite, on aura Marie-Laurence Audet à 8h et le poste d'écoute à 9h. Voilà, restez sur nos ondes. À 11h, c'est Dîner de cons avec Danny Janvier. À 13h, ça va être le méga marathon du mercredi avec moi, le Mathieu Plancho à 13h. À 15h, c'est les palmarès, c'est fou. Il y a un petit trou d'automatique à 18h. Là. Ça, c'est les animateurs réguliers. Je vais pas les remplacer ce soir. Et ensuite, je vais être avec Magali Julien pour les audacieuses à 19h jusqu'à 21h. Donc, une grosse journée de Mathieu Plancho. Tu vas être audacieuse ce soir? Ah, je vais être très audacieuse. Vous m'aurez jamais vu autant audacieuse. Cif.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes d'émission, les balados diffusion. Merci à Frédéric Bernard. Cindy Gilbert. Toi, Stéphanie Paradis. Toi, Mathieu Plan. À demain. Bye. On se quitte avec l'album Dope Machines par The Airborne Toxic Events, nouvelle entrée du palmarès anglophone. Pardon. Tout l'album. Voici Wrong. Non, voici Wrong. Quand même pas. Pas de temps. À demain. One thing.